Eh bien oui, Lucien Midnight qui interprétait sa version de Space Oddity, Major Tom, excellente pièce en cette journée dédiée finalement à David Bowie. Hein. On va se souvenir du 11 janvier comme la date de la mort de ce grand génie musical. Eh bien, David Bowie, hein, on le connaît moins. Il y en a qui c'est vraiment... Là, tout le monde se découvre une passion pour David Bowie, même s'ils n'ont à peu près jamais écouté, même s'ils connaissent à peu près juste Let's Dance. Mais quand même, je vous envoie ici 5 anecdotes à connaître sur cette star. Donc, David Bowie est mort plus précisément le 10 janvier, tantôt je me reprends, donc on se souvenir de la date du 10 janvier, comme la mort de ce grand artiste, et non du 11. Donc, David Bowie est mort hier à l'âge de 69 ans. La star légendaire laisse derrière lui quelques histoires assez méconnues. Saviez-vous que ado, il soutient les hommes aux cheveux longs. À seulement 17 ans, David Bowie fait son premier passage télévisé sur le plateau d'une émission de la BBC, membre de la Society of the Prevention of Cruelty to Long Hair Men. Eh bien oui, c'était en, si vous aimez mieux la traduction là, un peu rapide, là, la Société pour la prévention de la cruauté envers les hommes aux cheveux longs. Il prenait la défense de ces hommes aux longues tignasses et les critiques dont ils sont victimes. Et puis, vous pouvez aller voir la vidéo où il s'exprime, ce jeune homme, à 17 ans, encore avant même d'être réellement connu. On va écouter un petit coin. Ça dure 1 minute 47. Émission de la BBC, hein, écoute ça. It's all got to stop. They've had enough. The worms are turning. The rebellion of the long hairs is getting underway. They're tired of persecution, they're tired of taunts, they're tired of losing their jobs, they're tired of being sent home from college, they're tired of being sent home from school, they're tired even of being refused the dole. So with the nucleus of some of his friends, a 17-year-old, Davy Jones, has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Well, here we are. Long-haired men, you've got to have your hair, 9 inches long before you can join? Well, I think we've passed that over now. Have you? Yes. Now, exactly who's been cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like, darling, and can I carry a handbag thrown at us? I think it's just had to stop now. Assez intéressant quand même. Tu sais, on pense souvent à tort et à travers que David Bowie avait les yeux verrons, donc les yeux de deux couleurs différentes. Eh bien, c'est faux. Ah, là, tout le monde dit « Non, c'est vrai. » Non, c'est faux. David Bowie, il avait les yeux bleus. Son œil gauche était simplement plus foncé suite à un accident. Enfant, le chanteur avait reçu un coup de poing par l'un de ses camarades après une histoire de cœur. Les deux hommes se retrouveront plus tard et collaboreront ensemble. David Bowie demande à son ami d'enfance de signer certaines pochettes, même de ses albums. Quand même. On nous dit qu'il était star des charts et du papier peint. C'est dans l'ouvrage « L'OVNI Bowie » aux éditions Rivage que l'auteur Dylan Jones raconte que David Bowie avait lancé en 1995 une ligne de papier peint avec Laura Ashley. Et parmi les motifs imprimés, il y avait un minotaure et la silhouette du peintre Lucian Freud. Assez particulier tout ça. On nous dit « c'est pas le cousin de David Jones ». Ben non, son vrai nom, David Robert Jones, et ça c'était le vrai nom de David Bowie. Mais l'artiste a changé de nom dans les années 60 et a choisi tout simplement David Bowie afin de ne pas être confondu avec le leader du groupe de pop-rock The Monkees. J'avoue que dans le milieu de la musique, et tu veux pas nécessairement être associé aux Monkees. Ben, je dis ça de même, là, quand tu veux un peu d'originalité. Il monte une troupe de mimes. Saviez-vous ça? Il a monté une troupe de mimes. Chanteur et acteur, il a suivi des cours du chorégraphe et du comédien et du mime britannique Lindsay Kemp, lequel a enseigné au Bradford Art College. Passionné par le travail du mime, Marceau également, David Bowie a créé une troupe de mimes baptisée Multimédia Feather. Alors, c'était 5 petites anecdotes à connaître sur cette star. On va finaliser le dossier David Bowie. hein, parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Et puis, on va même s'envoyer une excellente nouvelle pièce, parce que tout le monde va vous jouer de son vieux stock, mais je pense que ce qui est important, c'est de se concentrer sur ses dernières choses, sur son dernier opus, car, comme on l'a dit si bien, il a tout réussi, ou presque, dans sa vie, même sa sortie. Hein, il nous a quand même vraiment surpris. Vendredi dernier, fêtait son 69e anniversaire, sortait son nouvel album, en avait parlé à personne de son foutu cancer. Et puis, ben là, avec cette mauvaise surprise qu'on apprend ce matin en se réveillant. Donc, David Bowie avait subi 6 arrêts cardiaques déjà. Une biographie de David Bowie a assuré aujourd'hui que le chanteur avait déjà subi 6 attaques cardiaques durant les dernières années. La première alerte avait fait le tour du monde en 2004. Le chanteur avait fait un malaise en plein concert de Hambourg. Et pourtant, il avait l'air vraiment en forme sur ces photos-là. On voit ici, en tête d'article, des photos au concert à Hambourg en 2004. Sérieux, il a l'air presque d'un genou, David Bowie. Donc, le rocker britannique avait été opéré sur place pour une artère obstruée. Ses médecins lui avaient interdit alors de remonter sur scène et le rythme de ses apparitions publiques avait considérablement ralenti. Mais il semblait aussi que les problèmes cardiaques du chanteur étaient au moins aussi graves que son cancer. Ce malaise cardiaque était en réalité le premier d'une longue série, selon Wendy Lake, qui a signé en 2014 un livre sur la vie de ce chanteur. À la BBC, elle a assuré que David Bowie a été victime de 6 attaques ces dernières années. À chaque fois, le chanteur s'en était remis. Il ne se battait pas seulement contre le cancer, a-t-elle confié, certaine que le chanteur avait orchestré le moment de sa propre mort. Ben moi, j'ai pas de difficulté à y croire. Vraiment, tout un metteur en scène. Angie Bowie continue quand même son émission de télé-réalité. À la mi-journée de lundi, Angie Bowie, ex-femme du chanteur décédé, ne savait toujours pas que la star de la chanson était décédée. Et pour cause, à 66 ans, la mère de Duncan participe actuellement à la version britannique de l'émission Big Brother, genre de love story, là, sur son compte Twitter. L'émission a ainsi indiqué que dans la matinée, elle serait mise au courant dès que possible, hors de la vue des caméras. C'est désormais chose faite, à en croire l'émission. En somme, Angie Bowie a été la dernière à apprendre la mort de la star, mais manifestement, la nouvelle n'a pas ému plus que cela la sexagénaire. En effet, elle a décidé de poursuivre le programme. L'émission de télé-réalité lui a néanmoins laissé l'option de sortir à tout moment si elle le souhaitait. Pas sûr qu'elle profite de cette possibilité, mariée à David Bowie de 1970 à 1980. Angie Bowie entretenait plus aucune relation avec son ancien époux. Au contraire, elle n'hésitait pas à déverser son fiel. Hein, elle pouvait y garrocher tout ce qui filait pas dans sa tête. Elle lui reprochait pêle-mêle d'avoir été pingre au moment de leur divorce et de l'avoir éloigné de son fils et accessoirement de voir David faire l'amour avec tout ce qui bouge. Ça l'a dérangé. Alors, ben c'est ça, hein? Angie Bowie, elle s'en fout de ça, et puis elle est ailleurs. On change complètement de sujet, je vous parle d'une jockey, une femme qui monte des chevaux, en tout cas qui les fait courser, là, elle ne monte pas sur leur dos, c'est comme ici à l'Hippodrome à Trois-Rivières, on le sait, les jockeys ne sont pas sur le dos des chevaux, hein. Nous c'est comme avec un petit boguet en arrière, donc une jockey crée la polémique en mangeant son propre cheval de course. Cette jockey amateur suédoise a subi les foudres des internautes après avoir révélé qu'elle avait mangé son propre cheval. OK, mais quel est le mal? Si je suis un éleveur de bœuf puis que je mange un bœuf, est-ce que le net va s'affoler? En tout cas, les faits remontent au mois de mai 2015, mais ont été révélés à la fin du mois de décembre par la jeune femme. Elle s'appelle Elena Stahl, 24 ans. Elle a expliqué que les jours de son meilleur ami, Ify Mant, étaient comptés après une blessure importante. Selon les vétérinaires, l'euthanasie était la seule tentative. Or, Elena ne pouvait se résoudre à envoyer son cheval au crématorium ni à le vendre à des industriels de l'alimentaire, comme elle l'explique au journal suédois The Local. C'est une question d'éthique. L'industrie de la viande va dans la mauvaise direction, estime-t-elle. Pour justifier un peu plus son choix anodin, elle explique que Ify Mant a eu une belle vie et que s'il n'avait pas été mangé par elle, les vers de terre s'en seraient chargés. Les gens trouvent normal de manger un animal qui n'a jamais vu la lumière du jour, mais trouvent cela anormal lorsque l'on a soi-même pris soin de cet animal toute sa vie, ajoute-t-elle. Et c'est vrai que beaucoup d'internautes ont eu du mal à comprendre sa décision. Elle aurait dû montrer plus de respect à cet animal, peut-on lire en commentaire de son post Facebook. Facebook, tandis qu'une autre personne compare cet acte au fait de manger sa grand-mère. Des gens complètement imbéciles. Quel est le mal d'avoir mangé son cheval? Moi, je trouve que c'est pas mal pire de le jeter, juste l'enterrer et de s'en débarrasser. Là, elle le recycle, finalement. Il n'y a rien de dégoûtant sur cet article-là. Les gens sont vraiment imbéciles, ont vraiment aucune... Moi, je vous dirais, c'est une absence totale d'intelligence à être fâché après la dame qui mange son cheval. Qu'est-ce qui est grave? En tout cas, ces gens-là sont mieux d'être végétariens, ça, c'est sûr. Si au moins vous êtes végétarien puis vous la critiquez de manger son cheval, bagat. De toute façon, les végétariens vont toujours critiquer ceux qui mangent de la viande. Fait que ça, ben, c'est normal. Mais si vous êtes quelqu'un qui, omnivore qui mangeait de la viande et puis vous critiquez cette femme-là, ben, je m'excuse, mais j'ai aucun respect pour vous et puis vous n'en méritez pas du tout. Pour l'anecdote, Effie Mant a fourni à Elena plus de 150 kilos de viande qu'elle a pu congeler et cuisiner à sa famille et à ses amis durant plus de 6 mois. Elle aurait vraiment été conne de ne pas le manger. Moi, c'est plutôt là la question. Un homme nu se promène dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Un infirmier a réussi à se promener en tenue d'Adam dans la basilique Saint-Pierre de Rome, située sur la place Saint-Pierre. La scène s'est passée le 4 janvier dernier. Son nom, c'est Luis Carlo Giampaoli, qui est entré dans la basilique habillé normalement dans le flot de touristes. Après s'être dévêtu dans un coin du bâtiment, il a commencé à se promener dans son plus simple appareil au milieu d'une foule incrédule et plutôt mal à l'aise. Le quadragénaire a commencé à réciter des litanies religieuses avant que les services de sécurité n'interviennent pour accompagner l'homme vers la sortie. Les gardes suisses, autorités policières du Vatican, se sont saisis de l'enquête et ont décrit l'exhibitionniste comme une personne particulièrement dérangée. Celui qui se surnommait Cherubino, hein, comme un chérubin, comme les peintures et les statues d'Angelo dénudés, que l'on peut trouver dans les édifices religieux, a été interné dans un hôpital psychiatrique. Si la séquence n'a pas duré longtemps, quelques visiteurs ont réussi à la filmer grâce à leur smartphone. C'est à voir. Moi, j'adore ça. Et quoi? C'est parce que le gars se met tout nu qu'automatiquement, c'est un dérangé mentalement? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a peut-être un geste derrière cette action. Et on en saura peut-être un peu plus une autre fois. Vidéo ici à voir, c'est un aveugle qui parvient à terminer un jeu vidéo au bout de 5 ans. Et c'est un jeu vidéo là, dédié à tout le monde. On parle ici du jeu Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64 en s'aidant uniquement de son ouïe. Oui, vous avez compris. Donc, juste avec ses oreilles, il a réussi à faire le jeu. Et puis, je peux même pas imaginer comment il a fait. Parce que, sérieusement, j'ai fait ce jeu-là. Et puis, il y a certains boss qui sont très difficiles. J'arrive pas à comprendre comment un homme qui ne voit pas a réussi à combattre et arriver à la fin du jeu. Mais bon, 2 enceintes placées près de l'écran de télévision, une pour les sons provenant du côté gauche et la deuxième, bien sûr, provenant du côté droit, ont constitué son seul point de repère. C'est donc uniquement grâce à ses oreilles, mais aussi grâce à une bonne dose de détermination que Terry Garrett a réussi à terminer un jeu qui, de l'aveu même du site spécialisé Gameblog.fr, est loin d'être l'un des plus simples. Moi, sérieux, c'est dans les rares jeux que j'ai terminé jusqu'à la fin. Alors, je peux vous le dire, c'est pas facile. Ce classique de la saga Zelda, qui a connu un succès planétaire en 1998, est en effet connu pour sa complexité et son univers d'une incroyable richesse. Et puis là, je fais une petite pause. En plus d'être compliqué, le jeu, faut que tu te promènes partout. Faut que tu trouves des trucs introuvables. Faut que tu ramasses des poules dans un village qui se promènent vraiment comme des poules pas de tête. Faut que tu reviennes toujours à ton point de départ. Faut que tu repartes vers un autre monde. C'est hallucinant. Je ne peux m'imaginer comment un homme aveugle a réussi à faire ça. C'est vraiment... Ça me jette sur le cul, mais simplement. Ce classique qui est sorti en 98... est connu pour sa complexité, son univers qui est incroyablement riche, au point d'être parfois considéré comme le jeu de tous les temps. Ben ça, je suis content d'apprendre ça parce que c'est vraiment un excellent jeu. Le héros Link parcourt inlassablement les terres du royaume imaginaire d'Hyrule afin d'y sauver la princesse de la destinée. la princesse Zelda. Terry Garrett s'était lancé le pari de venir à bout de Zelda Ocarina of Time en 2011, car il tenait absolument à tester ses capacités sur un jeu 3D. Auparavant, ce joueur s'était déjà illustré sur quelques titres en 2D. La vidéo en tête de l'article date de 2011 et montre Terry à ses débuts. Une seconde vidéo partagée il y a quelques jours, publiée plutôt en dessous de l'article, est plutôt la conclusion de son incroyable périple. Sérieusement, c'est à voir. Et puis, on lui dit chapeau, Terry. Vraiment, on est très fiers de toi. C'est magnifique. Que dire de plus sur cette prouesse humaine, on peut le dire comme ça. Sinon, oui, ici, OK, bon. Non, mais regarde, on va y aller avec ça ici. On a parlé tantôt de David Bowie. On a vu déjà, si vous êtes allé sur votre Facebook ce matin, un gif animé. Là, vous savez, ces images qui bougent comme ça sans qu'on ait rien à y faire, qui est ni une photo ni une vidéo, qui est un entre-deux. Eh bien, on a vu ce gif de David Bowie qui résume cet homme aux mille visages. Et on l'a vu apparaître, c'est pas apparu à cause de sa mort, c'est apparu à la fin de l'année. Donc, vous l'avez sûrement vu, c'est dessiné à la main et on voit vraiment les centaines de looks, ou presque, mettons, on pourrait dire peut-être dizaines de looks de David Bowie et la tête qui tourne comme ça. C'est très bien fait, mais d'où vient ce gif? Donc, David Bowie, Ziggy Stardust, Pierrot et une turquoise, ou encore David Robert Jones, un homme aux mille visages, c'était en janvier 2015 pour fêter les 68 ans de son idole, Ellen Green. Une jeune artiste anglaise avait imaginé un gif retraçant les multiples transformations de ce chanteur, des transformations aussi bien capillaires que faciales. Un an plus tard, presque un jour pour jour, alors c'est le fils de David Bowie qui vient d'annoncer sa mort. Cette illustration animée n'a rien perdu de sa valeur. Des fans du monde entier la partagent désormais, même pour rendre hommage à cette star décédée. Pour célébrer l'anniversaire de David Bowie, j'ai créé ce portrait animé pour mieux apprécier son évolution hypnotisante ainsi que sa capacité à se réinventer, expliquait Ellen Green. Donc, c'est l'œuvre de Ellen Green. La jeune femme avait aussi décliné son travail sous forme de vidéo pour annoncer un week-end spécial sur la chaîne de télévision Sky. Pour les 69 ans de David Bowie et la sortie de son dernier album Black Star, la jeune illustratrice avait imaginé une nouvelle création représentant le chanteur beaucoup plus sobre dans le ciel au milieu d'étoiles noires. Un hommage prémonitoire quelques jours juste avant sa mort. Effectivement. Et c'est ce lundi 11 janvier qu'Ellen Green a évidemment été très touchée par l'annonce de la mort de cet artiste. Je la cite sur son Twitter. « Je tremble tellement, je n'arrive pas du tout à réaliser. Mes pensées et mon amour vont à la famille, les amis et les fidèles fans de David Bowie. » Vraiment, hein, quand même assez touchant de voir justement cet artiste qui a créé ça. Et puis, en à peine un an, et puis on le sait, son œuvre désormais et son nom, Ellen Green, sera désormais connue de l'humanité entière ou presque à cause de cette réalisation. Tiens, on va aller en pause publicitaire et l'autre côté de la pause, on continue avec des nouvelles et puis on va aller l'écouter la pièce Black Star. Je vais vous la trouver d'ici peu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. On accueille un nouveau chroniqueur. En fait, je l'ai repêché comme ça, comme j'aime le faire de temps en temps, pas trop de temps à l'avance. T'sais. Ouais, c'est ça. J'ai croisé comme ça, puis on s'est fait comme écrire une chronique à la radio, ce serait cool. Donc, je vous présente et je te présente à toi, Tania. Oui. Jimmy Thibaudeau, bonjour. Bonjour. Évidemment, tu sais, je suis pas préparé pour t'accueillir comme ça. Bonjour à toi. Voilà. Ben, là, c'est oui. Vrai. C'est ça. Donc, on se croise depuis quelques temps à l'université. T'es venu, bon, on a parlé toi dans un campus. T'avais fait un voyage quelque part. Et là, t'es un chroniqueur assez fou pour parler d'actualité mondiale. Oui, tout à fait. Dans une chronique qui s'appelle « C'est dans le monde que ça se passe ». Oui. Ben, en fait, j'ai tout le temps été intéressé par les nouvelles internationales. Et puis, ça a toujours été une déception quand je lis les médias ici. On n'a jamais vraiment d'équivalent comme le Courrier international ou le Monde diplomatique en France. On n'a rien, on n'a aucune... On n'a pas beaucoup de nouvelles internationales. On est fermé sur nous-mêmes, les Québécois. On est fermé sur nous-mêmes, puis pourtant, le monde aujourd'hui est super intéressant. Et puis, avec cette chronique-là, j'espérais vous partager un petit peu mon émerveillement, voilà. Génial. Et t'as laissé le titre assez vague pour que tu puisses déborder sur d'autres affaires. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est dans le monde que ça se passe. Donc, premier sujet, qu'est-ce que tu te présentes cette semaine? Ben, pour commencer, faire ma première chronique, dans le fond, je pensais peut-être faire une rétrospective sur l'année 2015, sur le travail des médias québécois, justement. Tu sais, je viens de parler de ma déception par rapport à eux. Ben, justement, je trouve qu'on a beaucoup de fierté au Québec, mais nos médias québécois, c'est pas tant l'un de ceux-là. Ouais. C'est dit C'est ça, le mérite d'être clair. C'est ça. Puis, juste pour vous mettre dans le bain, je pensais vous présenter deux, trois nouvelles internationales qui se sont passées en 2015. Mm-hmm. Puis là, après, ça va me permettre d'introduire le sujet. D'abord, est-ce que vous connaissez un petit peu le désastre au Brésil qui s'est passé? Un petit peu, vraiment vaguement. En surface. Un petit peu. On l'appelle le Fukushima brésilien. La ministre de l'Environnement du Brésil dit que c'est la pire catastrophe environnementale de toute l'histoire du pays. En fait, c'est deux barrages qui ont cédé sur le cinquième plus grand fleuve. Et puis, c'est une compagnie minière qui, c'est vraiment une négligence de leur part. Et puis, tu as des coulées de boue toxique qui se sont mises dans le fleuve. Ça a tué toute la faune marine. On l'appelle la rivière morte maintenant, ce fleuve-là. Oui, c'est... Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont privées d'eau potable aujourd'hui. Ben, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais cet automne, c'était le cas. Et puis, quand on regarde le fleuve, il est passé du bleu au orange. C'est vraiment... c'est quelque chose. Des couleurs complémentaires, quand même. Ben oui, ben, voilà. C'est artistiquement très, très beau, mais... Une autre nouvelle, en Indonésie, il y a eu un feu de forêt incroyable aussi cet automne et cet été. Sur tous les 5000 kilomètres de l'Indonésie, c'est un désastre écologique, humanitaire, animalier aussi, parce qu'il y a plein d'espèces qui sont en train de disparaître à cause de ce feu-là. Et puis, juste pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre, il y a au Parlement d'Indonésie, les parlementaires, pendant qu'ils faisaient leur débat, étaient obligés de porter des masques à cause de la fumée. Oh, wow. Puis on distribuait des masques partout en Indonésie aussi parce que le smog était tellement intense, on avait de la misère à voir le soleil à travers, là, à certains moments. Pourtant, tu sais, ça, c'est quelque chose que tu vois, donc c'est sensationnaliste, donc il me semble que les médias auraient pu en parler. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que tu vois. Mais c'est ça. Ouais. Et pourtant, on n'en parle pas du tout de ces deux nouvelles-là qui sont vraiment... C'est deux catastrophes écologiques qui sont arrivées cette année, puis c'est vraiment... c'est énorme, mais on n'en parle pas dans les médias parce québécois. Parce que Marimé puis son chum... Ben, ils sont séparés. C'est important, hier, ça. Hier, elle a pleuré. Elle a pleuré. Sur scène. Tu sais, tu vois, c'est tellement plus important que les problèmes au Brésil. On va voir notre journaliste sur le terrain pour en savoir plus. Non, mais c'est quand même grave quand c'est rendu que... On est plus informé sur Facebook, dans notre fil d'actualité, que dans les médias traditionnels. Oui, c'est quand même vraiment grave. Et ça m'introduit, bon, justement, à mon sujet sur sur la couverture médiatique québécoise des nouvelles internationales. C'est assez désastreux. Et pour vous le prouver, j'ai un document que j'ai eu de la part de Influence Communication. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme qui s'occupe de l'analyse des médias au Québec. OK. Puis ils sont super intéressants. Chaque année, ils font un bilan de l'année 2015. Et on peut voir là-dedans que le poids médiatique des nouvelles internationales, c'est 3,88% de toutes les nouvelles. Wow. Ouais. Puis ça, c'est loin derrière la cuisine. oui, c'est loin derrière la cuisine à 4,78%. Ouais. Et puis, c'est 4 fois moins important aussi que les sports, parce que c'est 3,88 pour les nouvelles internationales, 16,01 pour les sports. Et là, on peut me dire, oui, mais... Tania, c'est de la faute. Ouais, c'est ça. Là, j'ai comme bon. On vient de parler de sport pendant une demi-heure. Là. Oui, mais attendez une seconde, par exemple. C'est sûr que les sports, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que 71% des nouvelles de sport... sont des nouvelles sur les Canadiens de Montréal. Voilà. Tu vois ce que je disais tantôt? 71%. C'est pas le réseau des sports. Ça devrait s'appeler RDH, réseau du hockey. Oui, c'est ça. On parle pas vraiment des autres sports de toute façon. Donc, on peut dire en un sens que les nouvelles internationales sont 4 fois moins importantes que les sports et 3 fois moins importantes que les Canadiens de Montréal. Wow! Et quand même, hein? C'est quand même vraiment incroyable. Et puis, quand on regarde la moyenne mondiale du poids médiatique des nouvelles internationales, on a 10,11% du poids médiatique. Donc, on est 3 fois pire, à peu près, que la juste majorité. Juste nous, mettons. Oui, les Québécois par rapport au monde. C'est terrible. Ouais. C'est vraiment épouvantable. Puis, on le comprend facilement en même temps, parce que quand on regarde des pays comme la France, on a le monde diplomatique, on a le courrier international, Et puis, aux États-Unis, on a par exemple le New York Times International. On a plein de journaux même dédiés aux nouvelles internationales. Puis ici, on n'a rien. On a Zest, l'actualité. Puis, Huffington Post. C'est un grand échantillonnage de YouPost, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Non, on n'a pas grand-chose, sérieusement. Donc, Véro. c'est la grosse nouvelle, oui. Patricia Paquin. Hey, c'est fermé, ça arrête. Arrête de vivre dans le passé. Excusez-moi, je sais. Mais dans le fond, ce que je pourrais vous dire par contre, les nouvelles qui ont été les plus médiatisées au Québec, on a seulement les deux plus médiatisés, ça a été Charlie Hebdo, les attentats, et le 13 novembre là, à Paris, les attentats aussi. Mm-hmm. Parce que, comme on sait, c'est francophone et on se sent plus proche des gens qui parlent la même langue que nous. Oui, ben c'est ça exactement. C'est là que je m'en allais. Parce que quand on regarde les chiffres, par exemple, pour le 13 novembre à Paris, on se rend compte qu'il y avait un autre attentat en Syrie la même journée. Ouais. Il y avait un attentat la veille au Liban. Puis même dans le mois qui précédait les attentats, il y avait eu au total beaucoup plus de morts que dans Paris seulement. Mm. Et puis on n'en parle pas non plus. Puis à Charlie Hebdo aussi, on peut se demander s'il y a une surmédiatisation du phénomène avec le fameux « Je suis Charlie ». Puis un petit peu, il y avait une sorte de détournement politique. Les photos de Facebook, entre autres. Oui, c'est ça. Avec le drapeau de la France dessus. Hein. Oui, mais je pense que le pire qu'on a vu là-dedans, c'est vraiment les manifestations où tu avais des fois des représentants d'Israël ou de l'Arabie Saoudite. Ouais, pour la liberté d'expression. Ouais, pour la liberté d'expression. Puis là, on savait plus trop si c'était pour la liberté d'expression qu'on se battait ou contre tout l'ensemble des musulmans. Il y avait beaucoup d'amalgame et puis c'était assez fâcheux de ce côté-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle pas vraiment de nouvelles internationales? On sait-tu? C'est parce que ça intéresse pas le peuple québécois. Parce qu'il y a sûrement une raison, parce que c'est ça, au réseau de l'information, une chaîne qui devrait parler d'absolument tout ça va en parler en bref une fois de temps en temps, mais c'est pas le gros, la grosse affaire tout le temps. Ou parce qu'on n'écoute pas RDI. Même à ça, RDI, LCN, tu sais, oui, il y a de l'international, mais il n'y en a pas tant que ça. Non. Ouais. Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mm-hmm. Une entre autres que je vois, c'est le fait que les médias se copient entre eux. Donc même Radio-Canada, ils n'échappent pas. Là. Ils ont des fois des documentaires exclusifs ou des nouvelles exclusives sur différents sujets internationaux. Mais même au niveau de R de Radio-Canada, leur contenu médias sur l'international, c'est assez limité aussi. Puis les médias se copient entre eux, donc on peut avoir Radio-Canada qui copie LCN, par exemple, pour avoir les mêmes nouvelles, parce que c'est tout le temps une compétition de code d'écoute. Ouais. Si on n'a pas les mêmes nouvelles que LCN, par exemple, si on n'a pas la nouvelle du gars qui a fait je sais pas trop quelle niaiserie... Un chat pris dans un arbre, vous avez parlé. Oui, c'est ça. Ouais. Des essais divers, qu'on appelle. Ouais, si on n'a pas la, si on parle pas, par exemple, je sais pas moi, de Guy Turcotte à la cour d'appel, là, on n'aura pas de code d'écoute parce qu'on veut le savoir ce qui se passe avec Guy Turcotte. Parce qu'on s'en fout de savoir. Mais cette espèce de sensationnalisme. Mais là. Mais c'est ce qui est fâché un peu parce que Radio-Canada, c'est une télé d'État et RDI, c'est une chaîne d'information par la télé d'État. Donc, les codes d'écoute ne devraient pas être un facteur nécessairement. Ça. Mais c'est depuis les conservateurs aussi qu'on observe une tendance vraiment. Plus marketing du côté de Radio-Canada parce qu'à cause des coupures, on sait que Radio-Canada maintenant dépend beaucoup de la publicité, entre autres. C'est une bonne partie de ses revenus maintenant. C'est sûr que si on ne subventionne pas assez les télés comme Télé-Québec, Radio-Canada, RDI, on se ramasse avec quelque chose comme ça. Et les conservateurs, je sais pas si c'est ça qu'ils voulaient, mais chose certaine, ils ont demandé à Radio-Canada « Ayez plus de codes d'écoute ou on coupe encore. » Oui, ça, je me souviens. Et puis, mais justement, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une alternative à ça? Un peu comme Télé-Québec, est une télé alternative. Leurs émissions sont vraiment plus intelligentes et plus pour un public restreint que Radio-Canada. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'informations à Télé-Québec? Je me rappelle, il y a des dizaines d'années où ils passaient une couverture des élections à Télé-Québec. C'est vrai. Là, maintenant, il n'y a absolument rien qui est dans l'actualité récente. C'est tout le temps des magazines, c'est tout le temps des émissions de consommation, c'est des magazines pour les parents, pour les ci, pour les ça, mais il n'y a pas d'émissions de nouvelles. Oui, ça a empiré aussi de Télé-Québec. Je pense que c'est même pire que Radio-Canada, en fait. Ils n'ont pas du tout... Ils ont pris un virage que les gens aiment. Mais ils ont pris un virage familial, si on peut dire. C'est ça, exact. Mais ça reste quand même marginal comparé à ce que le grand public de Radio-Canada fait, comme les émissions de danse avec des vedettes. Mais par rapport à Télé-Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont beaucoup moins de codes d'écoute, là, et puis leurs revenus sont beaucoup plus bas. Ils dépendent énormément des subventions, puis comme on sait, au niveau de Québec, on n'a pas beaucoup de sympathie à l'égard de nos médias. Et puis, en cette période de rigueur budgétaire, comme aime le dire Philippe Couillard, ben ça regarde pas bien pour nos médias, mettons. Non, c'est ça. Si les gens le regardent pas, c'est parce que c'est pas bon, hein? Qu'ils disent sur Télé-Québec, tu sais. Ouais. C'est à TVA que ça se passe les vraies affaires. Ben ouais, TVA était là. TVA était là. Il le sera toujours. Ouais, voilà. Est-ce que c'est tout pour ta chronique d'aujourd'hui déjà? Ben oui, ça serait tout. On a eu du fun. Mais je suis content en tout cas de vous avoir montré un peu ce qu'il y en est des médias. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont un petit peu été choqués par tout ça. Outrage! Oui. Ben oui! Mais c'est le fun, c'est... Ben, je veux pas dire outrage, je veux pas crier à outrage, non, mais c'est vrai que c'est inquiétant, c'est vrai que c'est fâchant. Ouais. Parce que tu sais... Oui, il n'y a pas juste nous qui se passe, il n'y a pas juste Guy Turcotte au monde, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, c'est... Mais il n'y a pas personne en temps normal qui comme, va se lever puis va créer un média juste comme ça. Non, parce que ça coûte vraiment cher. Et voilà. Tu l'as vu, il y a des médias qui ont fait leur début dans les années passées et qui ont fermé tout à très, fait. Très rapidement. C'est triste comme ça. Mais bon. Puis ça veut pas dire qu'il y a plus d'alternatives que d'autres. Là. Ça couvre pas mal toutes les mêmes nouvelles. Oui, c'est même ça. Même si c'est nouveau, c'est la fin. Je pense qu'il y a plus de chances d'avoir des nouvelles qui sont couvertes différemment en regardant les chaînes internationales. Tu sais, comme sur le câble, sur Cogeco, sur Bell, peu importe. Tu l'as CNN International. Oui. Eux, ils couvrent les nouvelles internationales. Al Jazeera America fait un excellent travail sur les nouvelles. Même ça sur Internet. Les gens sont très, très axés sur ce qui est tout sur Internet à portée de main. Tu parlais tantôt, on apprend plus sur sur Facebook. Sur Facebook que n'importe où ailleurs, mais c'est un peu vrai. Puis c'est là aussi qu'on peut justement aller chercher ces autres nouvelles-là. Mais malheureusement, en temps normal, on ne devrait pas avoir à faire ça. On ne devrait pas à chercher. Par contre, je dirais aussi que pour avoir fait de la sociologie des médias pendant un temps, je dirais qu'il faut vraiment... La règle d'or, quand on est confronté aux médias, c'est vraiment de varier ses sources d'informations tout le temps. Pour vérifier non seulement la fiabilité, mais aussi pour avoir la plus grande variété de nouvelles possible. C'est tout le temps super important. Puis je pense que l'Internet et les réseaux sociaux nous permettent vraiment de varier à ce niveau-là. Mais c'est sûr que dans les réseaux sociaux, il y a d'autres dangers, là, comme la désinformation, par exemple. Genre le journal de Montréal. Oui, c'est ça. Par exemple, faites pas confiance nécessairement à une page comme, je sais pas moi, espritsciencemétaphysique.com. C'est pas nécessairement le plus fiable, même pas du tout. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Est-ce que tu connais Inspecteur Viral? Non, je connais pas. Je crois que c'est au journal Métro qui... c'est ça, le journal Métro dans la section opinion. Il y a une page Facebook qui s'appelle Inspecteur Viral et il prend des captures d'écran de nouvelles qui sont clairement des parodies ou des nouvelles qui sont que tout le monde partage là, dans les grands médias. Genre, il y a un téléphone de 800 millions d'années qui a été trouvé, je sais pas quoi. Là. Il va t'en faire la preuve que c'est faux. T'sais. Un peu comme aux États-Unis, en anglais, t'as Snopes.com qui démystifie chacune des affaires qui sont partagées sur Internet. Moi, je trouve ça vraiment le fun et de partager les preuves que c'est faux sur Facebook pour que les gens qui te suivent et qui eux postaient la nouvelle d'origine fausse sachent. Je trouve ça vraiment le fun. Inspecteur Viral. Et puis moi je trouve que le dernier point que je voulais amener, c'était que on devrait, même si on parle contre les médias québécois, se considérer chanceux, parce qu'aux États-Unis, les CNN, Fox News Channel, MSNBC, ça ne parle que de Hillary Clinton et Donald Trump en permanence. J'ai regardé les chiffres des États-Unis aussi. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, mettons, si on regarde Fox News, on a vraiment des trucs aberrants, là. Puis on se rappellera, par exemple, quelque chose de vraiment très, très emblématique des États-Unis. En fait, des médias des États-Unis. À CNN, médias plutôt de droite, je pourrais dire, un petit peu comme Fox News, il y avait une manifestation en Angleterre à un moment donné pour la fierté gay. Et puis, il y avait un drapeau qui ressemblait, au drapeau de l'État islamique. Mais en fait, c'était des dildos puis d'autres objets sexuels, OK? Ils se sont jamais excusés pour ça. Ils se sont jamais excusés. Ils pensaient absolument que c'était le drapeau de l'État islamique. Ils se disaient, qu'est-ce que ça fait là dans une manifestation de la fierté gay, Et puis, ils ont même envoyé, ils ont parlé à une journaliste, ils ont parlé à un expert là-dessus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Les gens sautent vite aux conclusions. Ah, c'est drôle. Ils sont pas allés à la source. Non. Disons qu'aux États-Unis, c'est particulièrement manipuler les médias. C'est assez, ouais. C'est assez populiste et même il y a beaucoup de démagogie. Ouais. Mais quand même, quand on compare au Québec, il y a plus de nouvelles internationales, même c'est aux États-Unis. Oui, par contre. Ah, c'est quand même un sujet lourd, mais en même temps, je trouve qu'on l'a apporté de façon légère, absolument, avec Jimmy Thibodeau. Lui qui me disait au début de la chronique, je me demande, tu sais, qu'est-ce que vous allez avoir à dire sur ce que j'ai à dire? Tu vois, on n'a pas été si pire que ça. Hein, ben oui, ça c'était bon. C'était fantastique, on va te retrouver toutes les semaines dorénavant pour le reste de la session. Tout à fait. C'est mardi à 8h. Mm-hmm. Jimmy Thibodeau, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Et comme on est sur l'heure du midi, souvent je vais vous faire des nouvelles qui ont rapport à la nourriture. Eh bien, vous allez voir, il y a un petit rapport à la nourriture ici. Vous allez voir le titre. Il parie qu'il peut avaler une pince. Hein? C'est de la nourriture, ça? Et finir à l'hôpital. Donc, les Indiens ont décidément une fâcheuse tendance à manger tout et n'importe quoi. Après le voleur qui ingère une chaîne qu'il vient de voler, voici l'homme qui tente d'introduire une pince dans son estomac. Barvaribai Magwal, un habitant du Rajasthan, au nord de l'Inde, avait parié avec des amis qu'il était capable d'avaler une pince en métal de 30 cm. Un pied de long, plus qu'un pied de long. Pari réussi puisque le jeune homme est parvenu à faire entrer l'objet en entier dans son organisme. Organisme. Organiste, c'est quelqu'un qui joue de l'orgue. Hein? Mais c'est ensuite que les choses se sont gâtées. La pince est venue se coincer dans l'œsophage du jeune homme de 27 ans, provoquant une perte de connaissance et une suffocation. L'un des médecins raconte qu'à son arrivée à l'hôpital, il ne respirait plus. Sa trachée et son œsophage étaient comprimés. Ses parents nous ont dit qu'il avait avalé une pince de cuisine et nous ne les avons pas cru jusqu'à ce que nous voyions effectivement l'objet au rayon X. Opéré durant plus de 4 heures, le garçon s'en est sorti grâce à au travail des chirurgiens qui, dans toute leur carrière, n'avaient jamais vu un corps étranger de plus de 30 cm de long coincé dans la poitrine de quelqu'un. Image à voir ou pas, ça dépend de votre sensibilité. Un autre ici, un autre brillant, un autre champion, teste la résistance de sa jambe sous la roue d'une voiture. Georges Brassens chantait « Quand on est con, on est con ». Eh bien, en Corée du Sud, un jeune homme a voulu tester la résistance de sa jambe face à une roue de voiture. Pour ce faire, notre crétin du jour a placé sa jambe droite devant la roue d'une Hyundai avant de demander à son ami d'avancer. Résultat, une douleur bien méritée. Ah, un épais. Un autre champion ici, what the fuck, un homme qui est capable d'éteindre des bougies grâce à ses pets. Le Philippin Gérard Jesse détient un pouvoir pour le moins insolite. Il est capable d'éteindre rapidement des bougies en pétant. Dans une vidéo postée sur Facebook, Gérard nous fait une démonstration de son talent. Totalement inutile, mais parfait pour le dîner de cons. L'homme place un tube de PVC au niveau de son anus et lâche de puissantes flatulences qu'il dirige vers les flammes. Ce que je comprends pas, c'est que les flammes ne partent pas en feu. Ça doit être parce qu'il y a un trop gros pouvoir, trop de vent, trop de souffle. Un jeune SDF sauvé in extremis grâce à un voleur. Vous avez bien compris. Et puis ça se passe dans... Où ça? Attends un petit peu, juste voir. Parce que sur la photo... OK, c'est en français, c'est ce que je me disais, parce que la photo, tout ce qui était inscrit comme publicité est en français, puis je me demandais, parce que j'étais sur un site à la base américain. Donc, un jeune SDF sauvé une extrémiste grâce à un voleur. Le voleur lui faisait les poches, le croyant endormi. La police municipale constate le vol en direct sur des caméras de vidéosurveillance et a pu sauver une extrémiste, un jeune homme sans domicile fixe, d'un malaise cardiaque. Donc, mardi soir, deux équipes de policiers municipaux ont été envoyées dans le centre de Toulouse où une caméra venait de surprendre un quinquagénaire en train de fouiller la sacoche d'un trentenaire allongé. L'une a interpellé le voleur présumé, placé en garde à vue. L'autre a constaté que le SDF était en train de faire un arrêt cardiaque. Donc, c'était pas réellement à cause du voleur, mais c'est à cause du voleur. Donc, s'il l'avait pas volé, ben, personne se serait rendu compte que l'homme était tout simplement presque en train de mourir. Les policiers ont immédiatement procédé à un massage et relancé son cœur grâce à un défibrillateur installé près d'un marché couvert voisin. Le pronostic vital est non engagé, selon le diagnostic posé par les pompiers lors de l'hospitalisation du jeune SDF. Ben, tiens, c'est une mauvaise nouvelle qui en donne une bonne, finalement. M-City. Une ville fantôme où roulent les voitures de demain. Elle est nichée à l'abri des regards, cachée derrière des immeubles du campus de l'Université du Michigan à Ann Arbor, dans le nord des États-Unis. MCT, c'est une ville fantôme créée de toutes pièces pour tester les voitures du futur. Connectée, autonome, ici les nouvelles technologies à l'origine du Big Bang automobile depuis une dizaine d'années doivent maintenant faire leurs preuves avant d'espérer se retrouver un jour sur les routes. Sur environ 13 hectares, la ville sortie de nulle part il y a un an s'étale tel un décor hollywoodien. Les équipements urbains doivent permettre de reproduire des situations réelles qu'une voiture peut rencontrer au quotidien, à l'image d'un enfant courant après son ballon et s'aventurant subitement sur la chaussée. Éclairage public, passage protégé pour piétons, séparateurs de voies, ronds-points, trottoirs, pistes cyclables, arbres, panneaux de signalisation, barrières de chantier, rien ne manque dans ce décor. Ces arrêts de bus, des bandes publiques, des boîtes aux lettres, des bacs à poubelles, des bouches d'incendie et le nom de ces rues, Liberty Street, State Street, Main Street, lui donnent des allures de cité vibrillonnante. OK. Mais ces cafés et ces restaurants sont en carton-pâte et ses habitants, c'est des tas de ferrailles bardées de capteurs numériques, caméras, radars, sonars, lidar, c'est du guidage par laser, gérer tout ça par des logiciels. Nous testons les voitures connectées et autonomes ici depuis plus d'un an, a expliqué à l'agence France Presse Jim Sire, le directeur de MCT. 2015 a été une année particulièrement chargée en raison de la concurrence entre acteurs pour arriver le premier sur le marché des voitures autonomes. 4 jours pour certains, 1 jour pour d'autres, les constructeurs, une douzaine, se succèdent sans cesse. Algorithmes et capteurs, souvent il nous arrive de répéter la même manœuvre plusieurs fois pour comprendre et faire des ajustements nécessaires afin d'améliorer la performance. MCT donne l'opportunité aux constructeurs automobiles de tester leurs voitures jour et nuit sur différents scénarios. Circulation en centre-ville, circulation en route de campagne, entrée, sortie d'autoroute, traversée de tunnels et sur diverses surfaces telles le béton, l'asphalte ou sur le pavé. Les vitesses maximum autorisées sont d'un peu plus de 100 km/h. Ford a fait partie des groupes automobiles rodant leur véhicule à MCT qui se trouve à une soixantaine de kilomètres de son siège à Dearborn. Une partie de sa flotte fusion hybride va même être testée dans des conditions climatiques extrêmes, neige et tempêtes qui peuvent altérer la perception des capteurs embarqués et même aveugler les GPS. Cela va nous permettre d'affiner nos algorithmes, de mieux calibrer les capteurs, etc., ajoute Jim McBride, responsable des véhicules autonomes. Pour M. Sayer, l'intérêt principal de MCT, c'est la variété de tests que cette structure permet. Chaque kilomètre parcouru peut représenter 10, 100 ou 1000 kilomètres de conduite sur route. De plus, chaque événement est reproductible à l'infini. MCT est le fruit d'un partenariat entre l'Université et le ministère des Transports du Michigan. Des entreprises en sont des sponsors contre une participation $1 million pour 3 ans. Elle a officiellement ouvert ses portes en juillet dernier. Le géant informatique Apple, à qui on prête des intentions de se lancer dans l'automobile, aurait eu des discussions avec la ville, qui n'est pas la seule surgie de nulle part pour aider au développement des voitures du futur. GoMentum, à Concord, en Californie-Ouest, accueille déjà des véhicules du groupe Nippon Honda. Alors que la voiture autonome sur laquelle travaillent une douzaine de constructeurs de disrupteurs, la Tesla, Mercedes-Benz, Audi, Google, Uber, GM, Lyft, Toyota est annoncée d'ici 2020. Jim Sayer estime qu'il faudra encore une vingtaine d'années pour que le public puisse enfin s'offrir la technologie de véhicules, la technologie de véhicules autonomes. La technologie du véhicule entièrement sans conducteur est prête pour l'utilisation limitée, mais son coût élevé éloigne la possibilité pour une production de masse, arguent les experts. Ben, c'est une bonne chose, MCD, puis l'autre, c'est GoMentum à Concorde, California. Il y a le compte téléphonique privé du maître espion américain qui est piraté. Mais qui est le maître espion américain? On va aller voir ça. C'est un pirate informatique qui a réussi à pénétrer le compte téléphone et Internet du directeur du renseignement américain, James Clapper, selon le site d'information Motherboard mardi dernier, hier. Le piratage a été confirmé par le porte-parole du service que dirige M. Clapper, Lodny, bureau du directeur des renseignements nationaux, mais le porte-parole Brian Hale n'a pas voulu confirmer les détails de l'intrusion. Nous sommes au courant de cette affaire, nous en avons fait part aux autorités compétentes. Selon le site d'information, le pirate a réussi à trouver les mots de passe pour accéder au compte de M. Clapter chez Verizon, le fournisseur d'accès téléphonique et Internet pour son domicile. Le pirate a ainsi réussi à détourner des appels au domicile de M. Clapper vers une organisation de la défense des Palestiniens basée en Californie, Free Palestine Movement. Il a également aussi réussi à pénétrer dans un compte de messagerie Yahoo utilisé par l'épouse de M. Clapper, toujours selon la même source. Le pirate, qui utilise le pseudonyme de Kraka, fait partie d'un groupe déjà impliqué dans le piratage d'une boîte mail privé du directeur de la CIA, M. John Brennan. En octobre dernier, WikiLeaks avait publié plusieurs documents provenant du compte e-mail personnel de John Brennan, datés entre 2007 et 2009, avant sa prise en fonction au sommet de l'Agence du renseignement américain. La publication de ces e-mails était survenue quelques semaines après qu'un pirate informatique se présentant comme un adolescent américain eut affirmé au tabloïd du New York Post être entré dans la boîte e-mail du directeur de la CIA et s'être emparé d'informations personnelles. Furieux, le directeur de la CIA avait dénoncé la publicité donnée à cette affaire. Il avait expliqué que bien qu'étant un responsable gouvernemental, il avait aussi une famille, des amis, des factures à payer, des choses à faire dans la vie quotidienne qui se font par Internet. Tout à fait, mais imagine, si t'es le chef de la sécurité américaine puis tu te fais pirater, ça en dit long sur le pouvoir des pirates informatiques. X-Files, saison 10, la première minute est dévoilée en vidéo. Depuis plusieurs semaines, les fans de X-Files attendent avec impatience le début de la toute nouvelle série. Pour ce faire, eh bien, la Fox a décidé de dévoiler une petite minute du premier épisode de la saison 10, une vidéo que nous vous proposons de découvrir exactement là, sur le site, sur la page Facebook du Dîner de cons. Il aura donc fallu attendre plus de 10 ans aux fans de X-Files pour enfin voir le retour de leur série préférée. Ainsi, Mulder et Scully vont faire leur grand retour sur le petit écran après la fin de la série du début des années 2000 et un film en 2008 au cours duquel ils se sont mis en couple. Pourtant, dans cette nouvelle saison, il semblerait que le temps ait eu raison du couple, comme l'a expliqué Chris Carter, le créateur de X-Files, dans une vidéo making-of de la saison 10. Mulder et Scully avaient une relation platonique pendant 9 ans. Même si nous avons suggéré qu'ils ont eu un enfant ensemble, nous ne les avons jamais vus comme un couple. Jusqu'au deuxième film où on les a vus vraiment ensemble. On les retrouve maintenant dans une situation différente. 7 ou 8 ans se sont écoulés. Les temps ont été durs pour leur relation. Nous allons découvrir le pourquoi. À moins de 2 semaines de la diffusion aux États-Unis du premier épisode, la Fox a décidé de dévoiler la première minute de cet épisode tant attendu. Une minute durant laquelle les origines de la série seront mises en avant. Si les agents Dana Scully et Fox Mulder ne sont pas visibles sur la vidéo, la voix de ce dernier est quant à elle bien présente. « Je m'appelle Fox Mulder. Depuis mon enfance, je suis obsédé par les phénomènes paranormaux. Depuis que ma sœur a disparu quand j'avais 12 ans et que j'ai cru que c'était un enlèvement par les aliens, cette obsession m'a mené vers le FBI où j'ai enquêté sur des affaires dites paranormales. Dans l'unité X-Files. J'ai pu continuer à étudier ces phénomènes et à rechercher ma sœur disparue. En 93, le FBI m'a associé à une scientifique, ce qui n'a fait qu'approfondir mon obsession. En 2002, lors d'un changement de direction de ma politique, le FBI a fermé le bureau des affaires classées et nos investigations ont cessé. Mais mon obsession personnelle ne s'arrête pas là. Ne s'est pas arrêté là. Il faudra donc encore patienter quelques jours avant de découvrir la nouvelle saison de X-Files qui ne comptera que seulement 6 épisodes. Alors, profitez-en. Je pense qu'elles vont être bien couillues, ces épisodes. Il va se passer quelque chose là-dedans. Des députés républicains ne veulent plus qu'on dise Internet. Assez insolite, hein? Ni le Robert, ni le Larousse ne sont d'accord, mais le député Price, Martin Lalande, est, lui, bien décidé à trancher la question, a remarqué mardi, le 12 janvier. Non. OK, de quoi on parle? Quand il est question de parler du web ou de la toile, pour celles et ceux qui refusent les anglicismes, nos dictionnaires proposent en effet d'utiliser le synonyme Internet. Oui, ou Internet, c'est la même chose, ou encore même l'Internet. Ah, OK, on dit Internet avec un I majuscule, Internet minuscule ou même l'Internet. Pour le député, les Républicains et une douzaine de ses collègues, cette diversité de dénominations lorsqu'on évoque le réseau des réseaux est fort regrettable et il est temps d'y mettre fin, dans les textes officiels en tout cas. C'est pourquoi un amendement a été déposé pour que la seule formulation acceptable devienne l'Internet. En quel honneur? Eh bien, cette technologie est devenue un réseau mondial public, comme le téléphone ou la télévision, et c'est un bien commun universel, expliquent ces députés qui ont aussi vent de... Attends un peu.

ça serait une place ouverte pour les groupes de la région, et pas de la région aussi, mais vraiment une journée parfaite pour accueillir un band qui viendrait nous parler de leur projet en cours, qui viendrait nous présenter quelques-unes de leurs pièces, et peut-être même des prestations live, ici même en studio. Alors, c'est un projet qui est comme ça, là, ça fait quelques semaines, même je vous dirais quelques mois, que j'y pense, mais je voudrais intégrer ça au dîner de cons, mais j'ai pas le goût d'avoir à courir après les groupes. Alors, si vous connaissez des bands qui voudraient venir se présenter ici, écrivez-moi, écrivez-nous sur la page Facebook ou écrivez-moi sur mon Facebook personnel. Facebook, c'est Danny Janvier, ça va être plus facile parce que des fois, les pages, c'est un peu plus difficile de pouvoir jaser avec les pages. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça. Dans le sens, si tu reçois des messages, mais tu ne reçois pas directement, c'est la page, le message est là, il faut que tu aies absolument voir. En tout cas, c'est un projet qui est sur la glace, donc pour présenter un peu ce qui se fait en région et ailleurs aussi, parce que si vous avez des bands de Montréal, des bands de Québec, bands de Drummond qui veut venir jaser, ça va être bien libre à eux. Sur ce, on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Un policier arrête un automobiliste en excès de vitesse, puis lui réserve toute une surprise. C'était la première semaine de 2016 de Rodney Gibson, un homme de 60 ans. Il roulait à pleine vitesse sur l'autoroute. L'homme était tellement distrait qu'il ne se rendait même pas compte qu'il roulait à vive allure. Mais pourquoi donc Rodney était-il si distrait? Eh bien, la raison était plutôt troublante. En effet, Rodney venait tout juste d'apprendre que le cancer du sein dont souffrait sa fille avait progressé et que des métastases s'étaient formées. Une très, très mauvaise nouvelle, donc. C'est alors que Rodney croise le chemin de Todd Durnell. OK. Un policier de l'État de l'Indiana, ce dernier a immédiatement arrêté Rodney en constatant la vitesse à laquelle il roulait. Or, le policier a rapidement deviné que le conducteur n'était pas du tout dans son assiette. L'agent de police tentait alors de tirer les verres du nez de Rodney lorsqu'il a remarqué sur le pare-soleil une petite épinglette représentant un ange. Fait inusité, le policier avait une épinglette identique sur lui. Il l'a donc présentée à Rodney. C'est ainsi que le conducteur a ouvert son cœur au policier en lui expliquant que l'épinglette provenait de sa fille. Touché par ce que vivait actuellement la fille de Rodney, le policier a donc décidé que le père en avait assez vécu dans les dernières heures et ainsi il a choisi de ne pas lui donner de contravention. Or, ce qui s'est produit par la suite est tout simplement très touchant. En effet, le policier a demandé au conducteur s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Ce dernier a donc demandé au policier s'il savait prier. « Dieu nous a réunis pour une bonne raison », a répondu le policier. L'agent a alors enlevé son chapeau et a commencé à prier en tenant la main de Rodney. La situation était si émouvante que les deux hommes ont fondu en larmes. Les deux hommes se sont finalement échangés leur numéro de téléphone afin de se revoir. Comme quoi, les malheurs de la vie donnent parfois lieu à de grandes rencontres et à de nouvelles amitiés. Ben, c'est merveilleux. On aime ça, des nouvelles comme ça. Quelque chose de positif qui m'enseigne des policiers et des humains. Ah oui, c'est ça, je l'ai dit. Mulder et Scully de X-Files coincés dans les années 90 pour le Jimmy Kimmel Live ou Show, peu importe. Donc, David Duchovny, Gillian Anderson et Jimmy Kimmel offrent une hilarante parodie de X-Files à voir en vidéo. Alors que le retour donc de cette fameuse série qu'on parlait tantôt a lieu dans une dizaine de jours, dans quelques jours, avec une saison dite inédite, très attendue, les acteurs de X-Files assurent la promo. Ils ont été invités sur le plateau de Jimmy Kimmel. David Duchovny, alias Mulder, et Gillian Anderson, alias Scully, se sont livrés à un petit exercice jouissif. Imaginez comment leurs personnages ont appris leur retour. Littéralement coincés dans les années 90, Mulder et Scully ont bien du mal à comprendre que beaucoup de temps s'est écoulé depuis leur dernière enquête, surtout que la technologie a énormément évolué. À la recherche d'une cabine téléphonique, quand leur téléphone à antenne ne fonctionne pas, Mulder et Scully en sont restés au temps des disquettes et de la connexion Internet à 56K par seconde. Pareil comme chez ma blonde aussi à Saint-Élie. Non, mais c'est vrai, ça fait-tu dur? Les connexions Internet en campagne, sérieusement, c'est honteux. Sur ce, Pokémon se prépare à fêter ses 20 ans. Ben oui, déjà, me semble, ça n'a pas de sens. Le 27 février prochain, le jeu vidéo Pokémon fêtera ses 20 ans. Un anniversaire que Nintendo et la Pokémon Company comptent célébrer dans le monde entier à travers divers événements détaillés aujourd'hui même. Mais on dit la Pokémon Company, mais me semble, ça a c'est une licence qui a toujours appartenu à Nintendo, ça. En tout cas, avec 275 millions de jeux vidéo vendus dans le monde depuis son lancement en 1996, la franchise Pokémon est devenue l'une des plus populaires et lucratives du monde. Il faut dire que Pikachu et ses amis sont rapidement sortis de l'univers de la Game Boy pour évangéliser des millions d'enfants et de joueurs, même adultes, dans plus de 78 pays. Dessins animés, avec plus de 800 épisodes à ce jour. Carte à jouer, on en a écoulé plus de 21,5 milliards. Peluche, manga, parc d'attractions, difficile d'échapper à la Pokémania ou la Pokémon Mania. Moi, j'aime mieux Pokémania. Nintendo et la Pokémon Company viennent d'ouvrir un site dédié à ce 20e anniversaire où les internautes sont invités à déposer leurs photos souvenirs en hommage aux petits monstres de poche. Ils peuvent le faire également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et YouTube via le hashtag Pokémon20. Ça, je vais juste faire une petite pause comme ça. À l'époque, quand Pokémon est sorti, tout le monde disait « Check bien ça, dans 6 mois, on n'entendra plus parler. » Moi, mon garçon, j'ai écouté des centaines d'émissions avec lui, des films avec lui, tout le kit, joué à des jeux. Et puis, on se disait ça, ouais, dans 6 mois, dans 1 an, il n'aura plus. Ça n'a jamais arrêté. Les festivités prendront aussi une autre forme sur d'autres médias. Dès le 27 février, il sera possible aux possesseurs de Nintendo 3DS d'acquérir les jeux originels Pokémon bleu, rouge et jaune en téléchargement sur le eShop, tandis que des versions customisées des consoles 2D sortiront aux couleurs de ces jeux. Outre le jeu pour Pokémon Mobile Go, invitera tous les membres. Le jeu mobile Pokémon Go invitera à tous les attrapés par le biais de la réalité augmentée. On voit tout de suite, la phrase est atroce. Sa date de sortie n'a toutefois pas été officialisée. Des jeux de cartes à collectionner spéciaux seront également édités, appelés Pokémon GCC Génération. Ils promettent de ressusciter certains monstres mythiques. Enfin, les séries animées qui comptent 18 saisons ainsi que divers films seront bientôt disponibles en vidéo sur demande sur Google Play, Amazon, iTunes et sur Pokémon TV. Vraiment, c'est l'Empire Pokémon. Ici, une vidéo assez incroyable. C'est un fan de Star Wars qui a réussi à se fabriquer un sabre laser, mais plus vrai que vrai, là. La force est avec lui, avec quelques outils et beaucoup d'ingéniosité. Ce fan de Star Wars est parvenu à fabriquer un sabre laser qui n'a rien à envier à celui que Luke Skywalker utilise dans la saga. En tout cas, en apparence, là, on n'a pas dit qu'il pouvait être aussi puissant. De couleur rouge ou bleue, voire verte, lorsque le maître Yoda l'utilise, cette arme apparue pour la première fois dans les mains de Luke Skywalker en 77 a fait rêver des légions de fans. Nombreux sont ceux qui ont donc tenté de s'en fabriquer un ou une. Ça dépend si on dit un sabre laser ou une épée laser. Après un peu, sont parvenus à créer un objet aussi abouti que le fan à l'origine de cette vidéo. La vidéo ne dit pas en revanche si ce fan est aussi bon lorsqu'il s'agit de manier l'arme légendaire. Il pourra éventuellement s'inscrire à une école de maniement du sabre laser comme le Sport Saber League, qui propose d'apprendre le Shaisho lors de stages en compagnie de spécialistes de la discipline pratiquée par les Jedi dans Star Wars. Allez voir ça si ça vous intéresse. Toujours en vidéo ici à voir, c'est les vidéos d'une église qui ont joué Space Oddity en hommage à David Bowie. Donc, les hommages à Bowie se multiplient sans arrêt depuis lundi. Après l'annonce de la mort de cet artiste à Krøllingen au Danemark, eh bien, les cloches de l'église ont joué le célèbre morceau Space Oddity, sorti en 69. Une initiative similaire a eu lieu à Utrecht, aux Pays-Bas, où les cloches ont également joué Space Oddity, et à Oslo, en Norvège. Ce sont les cloches de l'hôtel de ville qui ont résonné au son du tube de David Bowie, Change. On a eu tellement de demandes, il y a eu une telle unanimité qu'on a décidé de le faire. Il n'y avait, à vrai dire, pas de place pour la discussion, a déclaré la carillonneuse Laura Marie Rosenthal-Holseng. David Bowie décédé dans la nuit de dimanche à lundi suite d'un cancer contre lequel il se battait depuis 18 mois et il venait de sortir son ultime album, Black Star. Hein, très prophétique comme titre en plus. On va s'en faire encore une petite dernière avant d'aller en pause publicitaire. C'est six façons, de transformer votre temps dans les transports en commun. Ou en tout cas, dans les transports, ça peut arriver aussi, ça peut être peut-être dans l'auto, hein, si vous êtes le passager ou la passagère. Donc, transformez votre temps de transport en temps de qualité. Donc, 6 idées ici. La lecture, si vous conduisez matin et soir pour vous rendre au boulot, sachez que Audible.com, eh bien, compte plus de 180 000 livres audio à télécharger, incluant des excellents best-sellers. Si vous avez le luxe de relaxer pendant votre trajet, pensez à emporter avec vous des livres version papier ou électronique ou même des revues. Mais gars, moi, je viens d'allumer. J'en ai plein des livres audio J'aurais juste à les mettre sur une clé USB puis les mettre dans mon auto. Vraiment une façon extraordinaire de découvrir et de lire sans lire. La méditation et des exercices de respiration lorsque vous êtes dans les transports. La méditation se fait pas forcément les yeux fermés. Que vous conduisez une voiture ou que vous soyez passager, essayez la respiration consciente et l'initiation à la méditation pour calmer vos pensées et pour relaxer. De nombreuses excellentes applications sont disponibles pour vous initier à la méditation. Une excellente façon d'évacuer le stress après une journée de travail et d'arriver à la maison dans un état d'esprit agréable pour vos proches et pour vous-même. C'est vrai, quand des fois on revient du travail, on est bourru, on est marabout un peu plus. En tout cas, pour ma part, il n'y a personne qui a fait rien à la maison, puis je suis comme en maudit, je ne sais pas trop pourquoi. Ça me ferait peut-être du bien de relaxer comme ça. Sinon, tenir un journal, on vante les mérites de tenir un journal quotidiennement. Cette activité peut réduire le stress, accroître la motivation et vous aider à atteindre vos objectifs. Vous pourriez profiter de votre trajet matinal en transport en commun pour y inscrire ce que vous aimeriez accomplir durant la journée et faire le bilan sur le chemin du retour, sur vos accomplissements et votre état d'esprit. Profitez de ce moment pour souligner les choses positives de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Effectivement, ça, une autre idée qu'on fait pas, hein, les gens, on devrait tenir un journal. On prend des photos pour se souvenir, on prend des vidéos, etc. Mais je pense que tenir un journal serait très, très sain. Sinon, dans les transports, si vous ne conduisez pas, eh bien, vous pouvez faire la sieste. Rares sont les moments où l'on peut se permettre une sieste. Eh bien, profitez du temps que vous passez dans les transports en commun pour vous fermer les yeux. En calculant la durée de votre trajet, assurez-vous de mettre votre alarme environ 5 minutes avant d'arriver à destination pour ne pas passer tout droit ou ne pas avoir la face de gant de boxe, là, la face d'oreiller, genre. Là. sinon, dans les transports, vous pouvez aussi faire un peu d'exercice. Vous manquez de temps pour vous mettre en forme et bouger. Profitez du temps à passer debout ou assis dans l'autobus pour effectuer quelques exercices discrètement. En position debout, vous pouvez soulever délicatement une jambe du sol et effectuer de légers mouvements de côté et ensuite changer de jambe. Vous pouvez également contracter vos muscles fessiers et ainsi les faire à plusieurs répétitions. Et puis, ça va être aussi bon qu'au gym. En position assise, vous pouvez serrer les jambes l'une contre l'autre pour travailler l'intérieur de vos cuisses ou bien soulever vos pieds du sol légèrement pour muscler vos abdominaux. Bon entraînement. Et ça, là, c'est des exercices qu'on peut faire aussi au travail. En ce moment, je les teste. Vous l'entendez-vous? Non, non, c'est une joke. Mais oui, je les testais. Mais non, c'est pas si difficile. Je le fais en ce moment et il n'y a aucun problème. Donc, faire de l'exercice dans les transports en commun. Et finalement, la balado-diffusion. Si vous ne connaissez pas encore les podcasts, cela pourrait bien changer votre routine de transport ennuyante en quelque chose de vraiment excitant. Plusieurs émissions de radio sont disponibles en différé, ce qu'on appelle podcast, et même en des séries audio, dont Serial en anglais, qui connaît un succès monstre en ce moment. Vous pouvez également télécharger l'application Podcast sur votre téléphone intelligent pour avoir accès à tout plein de contenus audio intéressants. Et sinon, visitez aussi baladoquebec.ca pour écouter vos émissions québécoises préférées. Alors, c'était 6 idées pour passer du temps de qualité dans les transports. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Une autre nouveauté qu'on a dans notre mois de janvier épique, hashtag janvier épique sur Facebook, janvier épique, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez de son émission Génie en liberté, l'émission de politique, d'actualité, etc. etc. Vous connaissez du Mathieu Planchot quand il fait sa chronique sur les jeux vidéo d'un gamer à un autre. Et maintenant, il n'y en avait pas assez. Il a décidé de s'inclure dans l'émission Assemblage requis aussi avec une chronique avec pas de nom. Ouais, c'est vrai. C'est Samuel Girard. Bonjour Samuel Girard. Hey, bonjour. Ça va? Hey, je suis déboussolé à matin. Oui, ça fait bizarre le lundi. Je crois que tu as déjà été le lundi dans ton émission, me semble. Oui, non, mais c'est pas, en fait, c'est vraiment l'heure à matin. C'est incroyable. Ça fait 3 semaines, moi, que je suis en vacances. C'est vrai. C'est vrai. Que t'as pas fait de radio du tout.

David Gilmour et David Bowie avec Comfortably Numb. Ah, c'est la joie. C'était dans la chronique de Samuel Girard. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On parle d'applications, puis peut-être une application que vous utilisez assez fréquemment et pour des raisons un peu coquines. C'est Tinder. Mais saviez-vous que Tinder vous note secrètement à l'interne? Saviez-vous que chaque utilisateur de l'application de rencontre Tinder se voit attribuer une note secrète à l'interne? Il s'agit d'un système de notation nommé Hello Score et il est élaboré grâce à un complexe algorithme visant à déterminer si vous êtes désirable ou pas. Ce classement secret permet de proposer des profils qui sont plus susceptibles d'intéresser chacun des abonnés et ultimement de créer de meilleurs matchs. Le système de notes de Tinder a été expliqué au journaliste du magazine Fast Company, Austin Carr, qui a lui-même découvert à son grand désarroi sa propre cote. Il explique que la note attribuée n'est pas basée simplement sur votre apparence, donc sur vos photos Tinder, mais bien sur un ensemble de facteurs qui visent à mesurer non pas votre attractivité, mais bien votre désirabilité. L'algorithme du Hello Score est si complexe que 2 mois et demi de travail ont été nécessaires pour l'élaborer. Plusieurs éléments sont pris en compte. Le vice-président du produit chez Tinder, Jonathan Baden, compare le Hello Score au fonctionnement du jeu Warcraft. Quand on joue avec une personne qui possède un score très élevé, on finit toujours par gagner plus de points comparativement à quand on joue avec quelqu'un qui a un score inférieur. Donc, si tu es un 3 puis tu essaies de pogner une 8, 9, 10, puis que tu réussis à la pogner, ben tu vas avoir un meilleur score au bout du compte, c'est ce que je peux comprendre. Et ici, on nous dit, en d'autres termes, il laisse entendre que si un utilisateur est liké par quelqu'un de bien noté, cela augmentera plus significativement sa propre note que s'il est aimé par quelqu'un de moins bien noté. Ben oui, c'est une belle logique. Pour sa part, l'analyste de données chez Tinder, Chris Dumbler, résume le Hello Score par un vaste système de vote. Essentiellement, chaque fois que vous swipez à droite, donc si vous aimez un profil, et que vous glissez à gauche, donc si vous n'aimez pas un profil, le signal envoyé est que le premier profil est plus désirable que l'autre profil. En somme, quelqu'un ayant, par exemple, la note fictive de 7, se fera proposer des profils ayant la même note à l'interne. S'il vous était possible de connaître votre score, Hello Score, eh bien, sur Tinder, aimeriez-vous le savoir? La question, ben, répondez sur la page Facebook du Dîner de cons. Ah, ici, bonne nouvelle, peut-être des verres de farine pourraient devenir des mangeurs de plastique. Saviez-vous qu'une simple tasse en polystyrène pollue plus de 1000 ans avant de se dégrader? Et peut-être que la solution consisterait simplement de la faire manger par des vers. Ce sont des chercheurs chinois et américains qui ont découvert en 2015 que les vers de farine pouvaient se nourrir de polystyrène expansé grâce à des bactéries présentes dans leur tube digestif. Identifier les bactéries et les enzymes en jeu ouvrirait des possibilités de dépollution inédite. Donc, le styromousse, c'est 8 millions de tonnes sont produites dans le monde chaque année. Eh bien oui, pratiquement non dégradable, ce plastique est très volumineux en raison de sa faible densité et prend beaucoup de place dans les sites d'enfouissement. On n'en recycle que 1% et les animaux qui en ingèrent des morceaux risquent tout simplement la mort. 100 verres de farine dévorent entre 34 et 39 mg de polystyrène par jour, ce qui est quand même beaucoup. La moitié est convertie en matière organique biodégradable, l'autre en CO2. Bonne chose. Les vers de farine sont en réalité les larves du ténébrion meunier. C'est un coléoptère commun, grand amateur de farine et de céréales. Cet insecte d'origine européenne a été décimé aux quatre coins du monde en raison des échanges commerciaux des denrées dont il est friand. Et puis aussi, c'est ces genres de vers qu'on peut acheter dans les animaleries pour nourrir nos petites bestioles qui ont besoin de bêtes vivantes. Sinon, une autre solution peut-être québécoise, c'est Alexandre Allard de l'Université McGill et Danny Luong du Cégep de Sainte-Foy qui ont déniché en 2010 3 bactéries capables, elles aussi, de grignoter 69,5% du polystyrène. Les Streptomyces griseuses, les Pseudomonas putida et les Pseudomonas fluorescens, la princesse Victoria de Suède leur a même remis le trophée du Stockholm Junior Water Prize pour cette découverte. Donc, un peu d'espoir encore pour notre belle petite planète. planète. Et surtout pour nous, hein, parce que la planète, elle, ne mourra pas. Même si nous autres, on disparaît, la planète, elle va continuer à rouler et puis elle va reprendre ses droits. Fait que c'est juste à nous de savoir si ça nous intéresse d'y rester comme habitants. Hein? Fraude contre les grands-parents, 4 Québécoises sont arrêtées aux États-Unis. 4 Canadiennes ont été arrêtées à Albany, dans l'État de New York, aux États-Unis, en lien avec une affaire de fraude visant des personnes âgées, souvent surnommées l'arnaque des grands-parents. Elles font face à des accusations de vol qualifié et de possession de biens volés. C'est ce qu'a annoncé la police de l'État de New York mardi dernier. Les arnaqueurs tentaient de se faire passer pour les petits-fils ou petites-filles des victimes en faisant croire qu'ils ou qu'il avait été arrêté et en demandaient de l'argent pour payer une caution afin de leur extorquer des fonds. Alors qu'un complice téléphonait ou envoyait un courriel aux personnes ciblées, un autre jouait le rôle d'un policier pour donner les informations afin d'acheminer l'argent. Les présumés criminels allaient jusqu'à conseiller aux victimes de donner aucune information à d'autres personnes qui pourraient les contacter sur le sujet, alléguant qu'ils seraient sûrement des arnaqueurs. La police d'État de New York, en collaboration avec d'autres institutions judiciaires américaines, ont procédé à l'arrestation des femmes originaires de Laval, au Québec. Lorsqu'ils se sont rendus à Albany pour cueillir de l'argent volé dans une succursale de UPS les 6 et 7 janvier dernier. Christina Antonakis, 29 ans, Sophia Mikelakis, 57 ans, font face à des accusations de possession de biens volés et de vol qualifié. Nora Apakrian, 42 ans, et Anakin Apakrian, 61 ans, elles ont échappé aux accusations de vol qualifié. D'après les noms, ça fait très, très grec, hein, ou en tout cas quelque chose du genre. L'enquête suit son cours dans cette affaire, en plus de la police d'État, le bureau d'inspection des services postaux américains, le secrétaire à la sécurité intérieure et la police de la ville de Manan participent aussi à cette enquête. Tout à fait crosseur et dégueulasse d'essayer toujours d'extroquer des gens qui sont peut-être un peu plus faibles. Et quand je dis faible, c'est peut-être vulnérable, c'est ce que je voulais dire. Il y a cette mère qui a tricoté une réplique « Grandeur nature » de son fils pour une raison plus que surprenante. Et sérieux, son fils en tricot, il est freakant, ça fait peur, pour vrai. Marike Vorlosjuich, quelque chose du genre, en tout cas, mon flamand est pas tout à fait juste, là. Donc, une dame des Pays-Bas était triste de voir son fils atteindre l'âge de la puberté, puisqu'il ne lui donnait plus de câlins. Donc, Marieke a alors décidé de tricoter une réplique grandeur nature de son fils pour être en mesure de le caresser en tout temps, quand ça y tente. La mère a affirmé au Bored Panda qu'il lui a pris 2 mois à confectionner la réplique en tricot et elle a reçu l'aide de sa grand-mère ainsi que de son fils directement. « Mon fils a atteint la puberté, nous caressions tout le temps, mais ces jours-ci, mais ces jours-là sont comptés. Maintenant, il préfère être avec ses amis, jouer avec son téléphone, écouter de la musique. Je suis une bonne mère, alors je l'accepte ainsi. Je suis heureuse qu'il soit en santé », ajoute Marieke. L'idée lui est venue lors d'une discussion au sujet de l'écart entre le besoin d'espace personnel de son fils et elle, son besoin de l'enduire d'amour maternel. C'est plutôt un hommage à la puberté et à mes fils. Nous n'avons pas de réel problème avec la puberté, ni avec l'intimité ou le contact, ajoute-t-elle. Oui, mais comme je vous ai dit, moi, c'est plutôt que c'est freakant un peu voir la genre de grosse poupée grandeur nature du garçon de Marieke. Vous irez voir ça, mais en même temps, je peux comprendre, même moi qui est un homme, hein, des fois on dit les hommes, on n'est pas près des sentiments, mon garçon, quand il est devenu plus grand, ben avant, il était tout le temps collé sous moi, il couchait tout le temps avec moi ou presque, j'avais pas de copine, quand il était petit, je parle. Et puis, on était tout le temps collés, on écoutait la télé, on jouait aux jeux vidéo. Il était vraiment tout le temps collé sur moi. J'avais beau même, à l'époque, je m'entraînais un peu. J'avais beau me mettre à faire des push-ups, ben, il me montait sur le dos. Et puis, tout d'un coup, à un moment donné, bah, plus rien, plus de contact, plus rien. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est la vie qui passe. Mais des fois, ça peut revenir un peu plus vieux. La gêne, on dirait, ou je sais pas, le après-puberté, ben il peut y avoir des rapprochements. Parce que c'est quand même dur pour nous, parents, hein, qui voient nos petites bêtes comme ça évoluer si rapidement et un peu perdre nos bébés. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, c'est pour ça que cette mère a tricoté une réplique grandeur nature de son fils. Crise migratoire et crise climatique seraient les deux principaux risques pour le monde. selon l'organisation WEF. Donc, une crise migratoire et un échec dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique sont les deux principaux risques qui pèsent sur le monde, selon les experts interrogés par le World Economic Forum. Donc, le risque jugé comme ayant la plus haute probabilité de se réaliser est celui des migrations forcées de grandes ampleurs, selon le rapport, tandis que l'échec de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets s'est hissé en tête du classement des risques ayant la plus forte incidence pour les années à venir. Chaque année, avant les forums de Davos, qui réunit dans le village suisse les plus grands décideurs de la planète, le WEF, organisateur de l'événement, publie une étude sur les risques qui pèsent sur notre monde, interrogeant environ 750 experts et décideurs. L'édition de 2016 promet d'être marquée par la crise des migrants en Europe, les crises géopolitiques et sécuritaires et la lutte contre les changements climatiques mise en lumière par la conférence de Paris, la COP21, qui s'est terminée il y a quelques semaines. L'enquête menée fin 2015 demandait d'évaluer 29 risques d'envergure mondiale à un horizon de 10 ans et à noter chaque risque en fonction de son incidence ainsi que de sa probabilité. Migration et climat viennent balayer les risques les plus traditionnels puisque la crainte d'un conflit entre les États aux conséquences régionales, qui était le plus probable de l'édition 2015, se trouve relégué maintenant en quatrième position cette année derrière les migrations forcées, les événements climatiques extrêmes et l'échec de l'adaptation au changement climatique. Parmi les autres risques probables ou aux conséquences profondes figurent les catastrophes naturelles, les armes de destruction massive, et les crises de l'eau ou les chocs énergétiques. Face à ces éventualités, le WEF estime qu'il y a un impératif de résilience qui passe notamment par la stabilité des sociétés. Assez sérieux tout ça, mais quand même, c'est bien de le savoir. Et paix à son âme, l'acteur britannique Alan Rickman est emporté lui aussi par un cancer à l'âge de 69 ans. Eh bien oui, même âge que M. Bowie et à peu près à la même époque. Donc cet acteur britannique, très connu pour ses rôles dans la franchise d'Harry Potter, dans le premier Die Hard, ainsi que dans Robin des Bois, Prince des voleurs, est décédé à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Bien sûr, son rôle est le plus connu, est celui du mystérieux Severus Rogue. Rogue, un personnage central dans les films d'Harry Potter. Donc, comme on disait tantôt, il a incarné des vilains souvent. Il avait la face pour incarner des vilains, mais quand tu vois le monsieur normal, aux cheveux blancs comme ça, il a l'air tout à fait, mais plus que sympathique. Et puis, on a appris que c'était un personnage phare et hyper important et qu'il aimait finalement Harry Potter. Peut-être pas d'amour, mais de respect. Donc, il a incarné des vilains comme le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Hans Gruber dans Die Hard ou Rasputin dans le film du même nom de chez HBO. Il était l'un des piliers de la scène britannique, ayant joué de nombreux films et de nombreuses pièces de théâtre. On l'a vu plusieurs fois aux côtés de Emma Thompson, notamment dans Love Actually. Il n'a jamais reçu d'Oscar, mais il a remporté un Golden Globe, un Emmy ainsi que des prix de l'Académie britannique pour les films et la télévision. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs des 20 dernières années, dont Anthony Minghella et Ang Lee, pour ne nommer que ceux-là. Et là, en bas de cet article, on voit plusieurs photos de ses rôles les plus marquants. Si ça vous intéresse, allez-y. C'est vraiment un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. On peut s'en rappeler. En tout cas, il passait toujours pour le très, très ténébreux. Tiens donc, on s'en fait une dernière ici. Non, mais peut-être pas. On continue. Il commande un Kindle et il reçoit une tumeur à la place. Donc, un homme britannique a eu la surprise de sa vie lorsqu'il a ouvert un paquet et au lieu d'y trouver son lecteur Kindle qu'il avait commandé, eh bien, il a découvert une excroissance vraisemblablement humaine. FedEx aurait émis des excuses dimanche après avoir accidentellement envoyé une tumeur à l'homme. Le numéro de suivi du paquet avait les mêmes 5 premiers et derniers chiffres que le Kindle. La tumeur devait être envoyée au London Royal Free Hospital pour y être analysée. L'homme aurait finalement reçu son Kindle une journée plus tard. Plus tard dans la journée. OK, ça c'est assez particulier tout ça. Et le shooting de cette arbitre italienne, une belle jeune italienne qui pourrait lui coûter son poste. Donc Claudia Romani, ancienne mannequin italien de 32 ans, est une véritable fan de foot. En 2014, alors qu'elle suit le mondial au Brésil, la jeune femme a une révélation. Je regardais la Coupe du Monde et j'ai vu quelques mauvaises décisions arbitrales. Du coup, j'ai pensé que je pourrais être plus juste, être meilleure. La belle se lance alors dans le concours d'arbitrage et obtient en 2014 2015. Mais alors qu'elle pourrait bientôt attribuer des rencontres, pardon, arbitrer des rencontres de série A et B, les équivalents respectifs de la Ligue 1 et 2, Claudia Romani risque de bien ne jamais démarrer sa nouvelle carrière. En cause, eh bien, une récente série de photos où l'Italienne pose de façon sexy. Les souvenirs n'y sont pour rien. Ce qui pose le problème, c'est le maillot de l'AC Milan qu'elle aborde fièrement, une équipe pour laquelle Claudia n'a jamais caché son affection. L'ennui, c'est que la jeune femme est susceptible de diriger plusieurs rencontres de son club fétiche. Et le risque de favoritisme fait fortement graisser les dents chez les supporters des équipes concurrentes de l'AC Milan. La Fédération italienne n'a pas encore réagi au début de cette à ce début de polémique. Donc, une affaire à suivre. Et puis moi, je pensais vraiment que c'est parce qu'elle était un peu trop sexy, un peu trop... pas trop habillée, mais parfaitement habillée. Là, c'est, premièrement, ses petites culottes lui vont à ravir. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'elle elle aurait dû être posée comme ça. Le même chose, mais avec un chandail d'une équipe, peu importe, ou d'une équipe, ou simplement un chandail d'arbitre. Si elle voulait être habillée de façon foot, ben, elle aurait pu. Mais avec son chandail d'arbitre, même, elle en a fait quelques photos avec son kit d'arbitre. Et puis, elle est parfaitement très, très regardable, disons. On continue ici dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Ben, vous allez voir, ce sont plutôt des conseils utiles. Et puis, c'est 10 conseils d'une millionnaire pour réussir en affaires. En plus, c'est ma cousine et sa styliste à elle, cette dame, qui a à peine 31 ans. Elle mange dans les plus grands restaurants, à sa propre styliste. Ben oui, c'est ma cousine, c'est Joëlle Desauniers, si vous la connaissez. Elle vit dans un penthouse et dans son... c'est elle là, qui a fait des livres, La jeune millionnaire en affaires. Eh bien, elle a co-écrit ça avec Mark Fisher. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, mais semble-t-il, il est bien connu. Et son livre vient de sortir peut-être pendant les fêtes. On a même Papa Ragile qui est allé au lancement, tout à fait. Eh bien, elle nous donne, cette charmante dame, eh bien, du nom de Éliane Gamache-Latourelle, elle nous donne des stratégies pour se lancer dans l'univers de la réussite et de devenir millionnaire. Voici les conseils de l'auteur, eh bien, qui sont assemblés autour de 10 mots-clés. Premièrement, eh bien, c'est la passion. Il est essentiel de partir de ce qu'on aime et de faire des choses pour les bonnes raisons. Il doit y avoir de la passion. Au final, c'est un humain qui achète ou qui investit et c'est avec de la passion qu'on pourra le toucher. Effectivement. Le travail, eh bien, elle nous dit « J'ai la chance d'être en santé, mais le reste, c'est du travail. Du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'observe l'évolution des entreprises et le monde des affaires depuis près de 20 ans. » Elle en a 31 quand même. Hein? Ça fait longtemps que la petite, elle veut devenir millionnaire. Les priorités. Le but premier ne doit pas être de faire des sous. Il faut voir l'argent comme une énergie proactive qui circule. Il est important de se détacher des dollars pour rester concentré sur son but. Ah, donc c'est pas l'argent qu'on veut, mais en tout cas, c'est ce que l'argent nous apporte qu'on veut. Sinon, ça prend aussi de la patience. Elle dit « J'ai travaillé dès 15 ans. Dès que j'ai eu 15 000 $ j'ai acheté une maison et je l'ai vendue un an plus tard en me faisant 30 000 $ Je me suis fait mon premier 100 000 $ en achetant et en revendant tout en travaillant à l'heure. Je n'ai presque rien dépensé pendant plusieurs années. » Effectivement, ça, c'est il faut vouloir. Hein? C'est pareil comme moi, ma maison. Mais je pourrais la vendre puis essayer de m'en vendre une autre. Puis après. Mais ça dépend tout le temps c'est quoi ton but. Hein? C'est quelque chose à penser, en tout cas. La connaissance, il faut avant tout savoir qui l'on est, rester fidèle à ses valeurs, ses envies, ses instincts. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé être ce que je voulais être. Effectivement, ça aussi, c'est une bonne chose. Apprentissage. J'ai sorti ce livre car les gens me disaient qu'ils n'avaient pas d'outils pour se lancer en affaires. Les lecteurs y trouveront aussi bien de l'inspiration que des leçons de gestion et des exercices de méditation. Important de toujours apprendre. De la force. Eh bien, elle dit « J'ai ouvert 5 pharmacies, mais j'ai vraiment commencé à faire de l'argent quand j'ai commencé à conseiller des entreprises. Ma force, elle est là. Au début, je ne chargeais pas vraiment, mais j'ai accumulé des preuves que je savais faire grandir les entreprises. » Effectivement, quand tu réussis à être conseiller ou à faire des conférences, je m'excuse, mais c'est là que le cash rentre. Du plaisir, faire ce que l'on aime est essentiel parce que c'est là-dedans qu'on est bon. Je suis bonne pour mettre un rêve en réalité et j'adore ça. Et surtout, je comprends l'humain. J'enligne l'entrepreneur avec sa vérité intérieure. Donc, il faut du plaisir dans ce qu'on fait. Il faut aussi de l'audace, il faut oser. À un moment, je suis allé voir des gens pour les convaincre d'investir et j'avais du temps à échanger contre de l'argent. Être jeune est une bonne chose, les attentes sont moins élevées et il y a moins de pression et on a plus le droit à l'erreur. Et finalement, ça prend de la conviction. L'essentiel, c'est de croire en son rêve. Ayez confiance en vous. Je m'excuse, moi, tous les autres conseils, je les aimais bien. Mais le dernier, ben oui, il est important de croire en son rêve, mais il me semble que c'est la phrase là, trop facile qu'on dit tout le temps. Il faut croire en son rêve. Effectivement, là, moi, je pense que c'est vrai, mais quand même. Donc, La jeune millionnaire en affaires par Eliane Gamache-Latourelle et Mark Fisher aux éditions Un monde différent, en vente à $19.95. Il y a ça aussi, hein? Je pense que donner des conseils, écrire des livres pour devenir millionnaire, ça l'aide à devenir millionnaire. Je dis ça de même. Les aliments ici à consommer et à éviter pour avoir un bon taux de cholestérol. Je vous envoie ça comme ça parce qu'on en a besoin. On a besoin, après le temps des fêtes où on a mangé littéralement beaucoup trop gras, hein, on a besoin un peu de se cleaner. Donc, notre corps produit environ 85% du cholestérol présent dans notre organisme et l'autre 15% provient des aliments que nous consommons. Il existe trois types de cholestérol, le bon, le mauvais et les triglycérides. Le mauvais cholestérol est associé aux problèmes de maladies cardiaques, tandis que le bon aide à réduire la présence du mauvais dans les artères. Les triglycérides, pour leur part, constituent un cinquième du cholestérol présent dans le sang, ce taux pouvant être plus élevé chez les personnes qui souffrent d'embonpoint, font peu d'activité physique, fument ou s'alimentent mal. Ouf, que là, on vient de toucher à beaucoup de monde, hein? Consommer entre 2 à 3 cuillères à soupe de gras insaturé par jour fait partie d'un régime équilibré. OK. Kieran Bain conseille donc aux personnes aux prises avec des problèmes de cholestérol d'essayer de limiter autant que possible leur consommation de gras trans et de gras saturé. Je vous envoie ici les bons et les moins bons aliments à consommer. Donc, à consommer, c'est le saumon. Les poissons frais comme le saumon peuvent aider à réduire l'inflammation ainsi que le taux de mauvais cholestérol. On recommande d'en consommer 2 fois par semaine. Sinon, les noix. Toutes les variétés de noix sont riches en gras insaturés, comme les oméga-3. Les noix sont ainsi une excellente source de magnésium dont bénéficieront vos os et vos dents. Et puis si, c'est tellement bon des noix, pour vrai. C'est comme un aliment à part. Il y a les trucs sucrés, les trucs salés, et il y a les noix. Non, mais tu sais, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un entre-deux, un peu comme les champignons qui sont ni un végétal ni un animal. C'est un autre genre. Sinon, à consommer les graines de lin moulues. Riches en oméga-3, les graines de lin aident à réduire le taux de triglycérides ainsi que les douleurs au niveau des articulations. Ajoutez-en une cuillère à soupe dans votre smoothies ou votre salade à tous les jours. À consommer les avocats. Les avocats sont riches en gras monoinsaturés et en acide oélique. Ils aident à réduire l'inflammation ainsi que le taux de mauvais cholestérol et ce, tout en augmentant le taux de bon cholestérol. Et que c'est tellement bon des avocats. Moi, personnellement, j'en mange juste pas assez souvent. Ce qui est plate avec les avocats, c'est que quand on les achète, souvent, ils sont pas prêts. On les laisse un peu mûrir, puis là, ils passent droite, puis ils deviennent un peu trop mûrs, en tout cas. Sinon, à éviter, malheureusement, la viande rouge. Les viandes grasses sont riches en gras saturés et peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol si consommées sans modération. Consommez davantage de viande maigre, comme le poulet, pour maintenir une diète santé. Moi, c'était une de mes résolutions il y a quelques mois, parce que j'étais vraiment un gars qui mangeait de la viande rouge presque à tous les jours. Faut pas se le cacher. J'ai décidé vraiment d'aller vers le poulet. En plus, au prix que la viande rouge est rendue, c'est pas si difficile de faire le changement. Et je me promets, de temps en temps, je me fais plaisir, puis je m'achète un bon steak, un bon filet mignon ou autre. Autre bon ou mauvais cholestérol, eh bien, c'est à éviter le beurre d'arachide commercial, surtout, hein, et souvent bourré d'huile hydrogénée, pouvant augmenter le taux de mauvais cholestérol. Optez pour un beurre d'arachide ou un beurre de noix naturel, mais complètement naturel. Oh, que là, ma blonde va être contente de m'entendre dire ça. À éviter les aliments frits. Mais c'est tellement bon, hein? Tenez-vous loin des aliments frits. L'huile utilisée pour faire frire les aliments est riche en gras trans et crée souvent de l'inflammation après la consommation. C'était les aliments à consommer et les autres à éviter contre et pour le bon et le mauvais cholestérol. Sur ce, on s'en va tout de suite en musique. J'ai décidé de vous offrir la pièce de Malajub, Étienne Daou, qu'on écoute à l'instant. Eh bien oui, Étienne Daou de l'excellente formation Malajube, qui n'est pas encore séparé. Ben non, c'est juste qu'ils ont mis ça sur pause. Et puis chacun des gars font des petits projets personnels qui sont très, très bons quand je dis petits projets personnels. Des bons gros projets. Les sept merveilles du Québec. À l'instar des sept merveilles du monde, eh bien, on va essayer ici de dresser une liste des sept plus beaux endroits de notre belle province. Premièrement, le sentier de l'Acropole des Draveurs. Ça, j'ai pas fait le sentier, mais je suis allé dans ce parc qui est exceptionnel. On se croit pas au Québec. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de montagne au Québec, allez faire un tour au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie dans Charlevoix. Ce sentier est classé difficile avec ses 800 mètres de dénivelé. Il vous prendra entre 4 et 6 heures. Moi, ça m'en prendrait 8 pour parcourir ces 10,4 kilomètres aller-retour. Le sentier en tant que tel ne mérite pas particulièrement de faire partie de la liste des 7 merveilles du Québec, mais il en est tout autrement pour la vue spectaculaire qu'on y retrouve à son sommet. En effet, la vue plongeante sur les gorges de la rivière Malbaie et le sommet des montagnes environnantes vaut amplement l'effort déployé pour s'y rendre. De plus, si vous avez la chance, eh bien, partez au petit matin entre 7 et 8 heures. Moi, je vous dirais même avant ça, afin d'arriver dans les premiers, vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour pouvoir observer les caribous quand vous arriverez au sommet. C'est la cerise sur le sundae, comme on dit ici. Et puis, juste pour vous dire, dans ce parc, c'est la seule place au Québec, OK, je parle dans le sud du Québec, où on peut voir des caribous, parce que sinon, il faut vraiment monter très, très haut dans le nord. Et puis, comme ces montagnes sont très hautes, eh bien, la végétation ressemble un peu à la toundra. Donc, c'est pour ça qu'on y retrouve des caribous. Ça, c'était pas dans l'article, je vous le dis par connaissance générale. Sinon, autre merveille. Et puis, si vous voyez la photo pour démontrer ce milieu naturel, c'est extraordinaire. C'est le fjord du Saguenay. Bien que le fjord du Saguenay offre à lui seul des paysages à couper le souffle, il n'est pas l'unique raison de se rendre dans cette région du Québec. Tout le long de ce cours d'eau légendaire, on y retrouve aussi des petits villages magnifiques qui font partie, à juste titre, de l'Association des plus beaux villages du Québec, comme Lens-Saint-Jean et Sainte-Rose-du-Nord. Pour observer les plus beaux points de vue sur ce fjord plus grand que nature, empruntez le sentier de randonnée pédestre de la Statue, accessible à partir du parc du fjord du Saguenay, secteur B Éternité. C'est un excellent parc encore ici, là. Ou encore partir en excursion en kayak ou en bateau-mouche à partir de Lens-Saint-Jean. Pardon. Autre endroit, autre merveille du Québec, eh bien, on ne l'a jamais assez dit, c'est le Rocher Percé. On dit souvent que le Rocher Percé est la figure emblématique du Québec, ça en dit long sur sa capacité de nous émerveiller. Le Rocher Percé, c'est plus qu'un trou dans le rocher. C'est d'abord un charmant petit village animé où il fait bon marcher et parler avec les Gaspésiens. Le Rocher Percé, c'est aussi le bon voisin de l'île Bonaventure, hôtesse d'une formidable colonie de fous de bassin. L'île Bonaventure est définitivement un incontournable de la région, ne manquez pas ça. Enfin, si vous êtes amateur de homard, rendez-vous à la Maison du Pêcheur pour déguster votre mets préféré. Donc, hein, on est pas mal comblés là, tout ici, là, au Rocher Percé. Sinon, très, très proche de nous, et puis ça, il faut y aller. Cet été, il faudrait que j'y aille. Shame on me, là, honte à moi. Je ne suis jamais allé, mais j'ai entendu tellement parler de ces chutes. Ce sont les chutes Weber. Eh bien, oui, elles sont situées dans le merveilleux parc national de la Mauricie et sont accessibles seulement en canot. En fait, pour s'y rendre, il faut combiner 8 km de canot et 9 km de randonnée pédestre. Cette excursion classée intermédiaire vous prendra un total de 5 à 6 heures, mais elle reste quand même accessible aux familles. Je vous conseille de partir tôt en matinée pour en profiter au maximum. À votre arrivée, allez-y pour la totale en vous baignant dans les plus belles chutes du Québec. Donc, les chutes Weber au Parc national de la Mauricie. Sinon, plus dans le coin de Québec, eh bien, le parc de la Jacques-Cartier est à tort une destination assez méconnue. Situé à moins d'une heure au nord de la très belle ville de Québec, ce parc vous offre un vrai décor de carte postale avec sa belle rivière sinueuse qui coule parfaitement au creux d'une vallée abrupte. Ce parc promet de vous en mettre plein la vue. Effectivement, c'est des décors qu'on pense inaccessibles pour nous au Québec, les décors montagneux, parce qu'on, surtout ici à Trois-Rivières, on est dans un pays plat, hein, on est comme en Belgique. Mais non, il y a de superbes décors, il y a de superbes dénivelés, c'est magnifique. La plus belle façon de découvrir cette vallée exceptionnelle est sans contredit la descente de la rivière en canot ou en kayak. Si vous n'aimez pas l'eau, partez en randonnée dans le Sentier des Loups, un sentier assez difficile de 3h30, mais le point de vue de là-haut vous fera oublier tous vos efforts. Sixième endroit des plus belles merveilles du Québec. Eh bien, ce sont les couchers de soleil de Kamouraska. Selon le National Geographic, les couchers de soleil de Kamouraska seraient les deuxièmes plus beaux au monde, après ceux d'Hawaï. C'est quand même pas n'importe quoi, puis disons que le monde de National Geographic y en ont vu des paysages. Une fois sur les rives du fleuve Saint-Laurent, enlevez vos chaussures et marchez pieds nus dans le sable pour savourer pleinement ce moment magique. À mettre dans votre bucket list, sauf que j'aime mieux vous le dire, hein, quand le coucher de soleil arrive, là, c'est pas long. Non, non, mais commencez à apprécier le coucher de soleil avant qu'il soit un coucher de soleil. Moi, c'est juste ça que je vous dis pour pouvoir en profiter le plus possible. Sinon, le mont Jacques-Cartier. Si vous rêvez, de dépaysement total, empruntez le sentier de randonnée pédestre qui mène jusqu'au sommet du mont Jacques-Cartier, situé dans le parc national de la Gaspésie. Ce sentier de pierre de 8,3 km vous mène directement dans la toundra. Vous serez sans mots devant tant de beauté. En prime, au sommet de la deuxième plus haute montagne du Québec, encore là, je pensais que c'était la seule place, mais vous pourrez faire l'observation de caribou. Une fois en haut, ne manquez pas la randonnée guidée. Vivez le Grand Nord d'une durée de 45 minutes. C'est gratuit et très, très instructif. Alors, si vous avez des endroits magnifiques, des merveilles du Québec, eh bien, je vous invite à les indiquer sur la page Facebook du Dîner de con au bas de cet article, parce que moi, c'est clair que les sept merveilles du Québec, ben j'ai le goût d'aller les voir. Elles sont très proches et puis ça vous coûtera pas des millions, là, ça c'est sûr. Sinon, eh bien, on y va avec ça. Dernier article, je crois, du jour. Ça va être les résolutions écolo pour 2016. Des résolutions pour verdir votre vie. Hein? Parfois, on voit cela très gros, beaucoup trop gros pour le temps que nous disposons. Alors, pour 2016, je vous propose de petits gestes à intégrer dans votre quotidien et plus particulièrement dans votre cuisine. Le défi, eh bien, réfléchissez à ce qui vous a embêté pendant l'année et aux habitudes de consommation que vous aimeriez modifier. L'idée n'est pas de tout changer en même temps, non cibler quelques éléments de votre vie qui pourraient être améliorés et qui n'exigent pas trop d'efforts d'organisation. Commencez par verdir votre vie simplement. Je suis certain que vous y prendrez goût. Résolution 1, faire soi-même. Le faire soi-même est cette façon de se dire qu'au lieu d'acheter déjà tout fait, on se donne la peine de concevoir à notre manière. C'est très gratifiant et créatif. Ça, c'est sûr. Truc, durant la semaine, eh bien, on cible une recette simple, pas trop coûteuse, qui nous plaît. Donc, souvent, c'est la recette qui fait saliver et celle qui fera vraiment plaisir à manger et surtout celle qui n'est pas difficile à réaliser. J'enregistre le tout sur mon ordinateur et une fois le week-end arrivé, avant de faire mon épicerie, je regarde les ingrédients qu'il me faut et j'achète et hop, au fourneau. Les bienfaits, eh bien, mon corps me dit merci, merci et merci encore. Je suis super fier de réussir, par exemple, des granolas tellement simples à faire et vraiment meilleurs que ceux en boîte. Exemple, résolution 2, manger moins de viande. Oui, on en parle souvent de cette fameuse consommation de viande. Si vous adorez la viande, je ne veux surtout pas vous dire d'arrêter d'en manger. Surtout pas moi, non. Mais de diminuer tout simplement avant de devenir végétarien. OK, non, ça c'est bon. Elle dit qu'avant, elle, la fille qui a écrit ça, de devenir végétarienne, elle avait coupé dans un premier temps un repas de viande par semaine pour des raisons écologiques, mais surtout pour mon énergie vitale. Elle dit que la viande l'alourdissait beaucoup, surtout la viande rouge. Et avec des jeunes enfants, je cherchais l'énergie partout. J'ai remplacé ce repas de viande par des matières végétales plus faciles à digérer. Pour moi, légumineuses, tofu, tamf, noix. Je suis tombé sur le site Jacinthe René, nanana, nanana. On aime ou on n'aime pas son approche. Non, ça c'est clair que non. Et puis si tu as besoin d'énergie, tu lâches pas la viande. Tu en manges beaucoup moins, tu lâches la viande rouge. Ça, je suis parfaitement d'accord. Truc, surtout pour aimer les plats végétariens, vous trouverez de bonnes recettes. Si vous n'êtes pas habitué à cette cuisine, allez-y pour des valeurs sûres, comme sur le site internet de Ricardo. Eh bien, vous y trouverez beaucoup de choix de recettes qui sont très faciles à réaliser. Ensuite, si vous aimez ce type de cuisine, allez feuilleter les livres de cuisine végétarienne en librairie. Les bienfaits, votre corps vous dira merci, vous découvrirez de nouvelles saveurs et des textures et vous contribuerez à un monde plus écologique et ça va vous coûter plus cher. Non, non, mais c'est vrai, là. Moi, j'aime... Sérieux, c'est un luxe d'être végétarien, moi, je trouve. Pour vrai, en 2016, c'est un luxe d'être végétarien. Les légumes, oui, la viande est chère, mais les légumes, pour réussir à te sustenter, les fruits et légumes... Seigneur, t'as besoin d'en manger, t'as besoin d'en acheter. Sinon, résolution 3, gaspiller moins de nourriture. Et le truc, c'est faites le ménage de votre frigo avant d'aller faire vos courses et remarquez ce que vous jetez aux ordures. Souvent, cela sera la même catégorie d'aliments, le légume, qui est bon pour la santé, mais que vous détestez cuisiner. Un produit en solde, surtout acheté à vos papilles. Surtout acheté avec vos papilles et en toute simplicité, évitez de choisir un aliment seulement parce qu'il est en solde et assurez-vous d'aimer les cuisiner avant tout. Ça, c'est une bonne idée, hein? Les bienfaits de ça, c'est moins de culpabilité à jeter chaque semaine de la nourriture. Cela aussi fait du bien au portefeuille et c'est amusant et créatif. Les enfants adorent faire les tout-skis. Surtout, laissez-vous aller. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons, de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.